Ou pas. Ou pas. Du coup, on y va. T'es déjà en train d'enregistrer? Je viens juste de commencer. Oh, bon, en même temps, c'est vrai qu'il y a des... Il y a des intros tellement longues. Faut lever le bras, en fait. Pour ce retour. À la vôtre, elle parle alors qu'elle n'a même pas été invitée à parler. Eh bien, bienvenue dans cet épisode 19 de la saison 2 de Road to Hellfest, avec ce soir, bah, comme vous l'avez entendu, une invitée, en la présence, vous la connaissez sûrement, en la présence de Parcimonie. Merci à toi d'être venue, Parcimonie. Ben, merci à vous de m'avoir invitée, c'est on cool. On l'a invitée. Ouais, bon, je crois que c'est imposé. Ah, ici, tu... C'est bah, ça, et eh ben parce que sinon, hein, tu vois, c'est bon. Donc, bah, merci à toi de venir une fois de plus, car tu es déjà venu dans la saison 1, mais on ne dira pas quel épisode. Dans le doute. Parce qu'on ne s'en rappelle pas. C'était le 5. Ah oui. Non, le 4. Ouais, je crois que c'était le 5. 5, je crois que c'était. Si, je crois que c'était le 5. J'avais bien aimé d'ailleurs. C'était cool. Ouais, parce que c'est, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est le seul que j'ai écouté. Alors, du coup, ça fait un petit moment qu'on n'a pas enregistré d'épisode. Ouais, un petit moment. Ouais. Parce qu'on a fait beaucoup de choses. On a fabriqué des maisons. On a sauvé des orphelinats. Carrément. Moi, j'ai trouvé le vaccin contre des trucs là. Contre les spaghettis. Voilà, exactement. Du coup, il n'y a plus de spaghettis nulle part. Ne cherchez pas, il n'y en a plus. J'assume pas du tout ce plan. Du coup, alors, avez-vous passé une bonne semaine? Enfin, du coup, une bonne multi-semaine. Avez-vous passé deux bonnes semaines? Des bonnes journées. Des bonnes... Est-ce que tu as passé un bon moment, Bob? Ah, pff, qu'est-ce que je dis? Excuse-moi. As-tu passé un bon moment, Parcimonie? Oui, très bien. Oui, c'était très bien, mais quand? Tu peux préciser? Bah, depuis l'épisode 5. Ça fait un an, quoi. Quasiment. Quasiment. Ouais, il y en a eu beaucoup quand même. On va bientôt fêter nos 1 an. C'est vrai. Ah bah c'était au mois d'avril. Hein. Putain, qu'est-ce qu'on fait? On fait un truc spécial. Genre, je veux dire, c'est un truc. Ok, ouais, ok. Putain, grave. On fait un truc. Ah, j'ai trop hâte d'en faire. Ouais, bah c'est moi quand aussi. Bah c'est au mois d'avril, je viens de le dire. Ah oui. C'est quand? Bah à peu près. Ah oui, d'accord. Une semaine. Non, moins d'une semaine. Trois. Ouais, ouais. Un an. Il nous faut un gâteau. Ouais, avec des bières. Bah oui, un gâteau en forme de bière. Ou une bière en forme de gâteau. Non, je crois que bon bah du coup alors Parcimonie, c'était un bon moment? Très bien, ouais. Mais... Très bien. Pardon. Pas très participatif cette La question pourrie. Et toi Bob? Oui, mais... bon, moi j'ai un très bon moment. Hein. Génial. J'ai ultra kiffé, je veux dire j'étais fondant, c'était. C'est vrai? Et ça c'est pas vu. Bah je pense que... Bah non, mais pas à tous les moments. Et donc, alors, très bien. Et toi? Bah écoute, très bien. Balance-moi directement par mon vrai prénom. Ça va être très pratique. Non, mais je veux dire, elle ouvre deux fois sa bouche. Paf! Ça marche, ça marche. Je vais en 3 minutes, très très bien. La capacité que tu t'appelais par ton nom de famille. Non plus, ça serait sympa. En vous remerciant. Du coup, bah, moi, ça a été... Bah, j'ai pas eu d'enfant malade, contrairement à certains d'entre vous. Et je balance pas les noms, moi. Ouais. Et non, bah, j'ai fait des trucs. Voilà. De toute façon, notre seul fan nous connaît maintenant par nouveau prénom. Oui, mais je vois pas trop ce que ça change. Non, mais j'ai fait un cut quand même, là. Il est beaucoup trop présent, celui-là. Il est pas passé à 3 minutes, il y a peut-être encore des gens qui écoutent. Alors, bah oui, c'est plus vers la fin. Bah oui, c'est plus... C'est ça. Bon. Les gens vont lâcher, donc c'est-à-dire dans 5 minutes. Dans 5-10 minutes, c'est bon. Du coup, passons directement à notre programme, à savoir le même que d'habitude. Donc, du coup, on va attaquer par les news du festival. Cette semaine, pas grand-chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué des choses, vous. Non. Oui, non, rien de spécial. Non, c'est passé totalement inaperçu aussi. Très, très bien. Eh bien, moi, les 4 seules choses que j'ai remarquées, parce que je fais mon travail. C'est comme on en a déjà discuté, beaucoup d'ailleurs l'ont remarqué, mais maintenant via la version mobile du site hellfest.fr, en passant par la page artiste, on arrive directement sur une espèce de running order, très certainement un probable officiel, vu que c'est un peu leur site, et donc il y a déjà les dates à peu près qui correspondent avec les prévisions qu'on a des scènes et de leur placement sur l'affiche. Donc on peut déjà avoir une petite idée, mais peut-être qu'ils attendent encore une ou deux modifications avant que ça change. Peut-être pas. Peut-être. Dieu seul le saura. Ou le sait déjà, ça dépend. Oui, bah après. Très bien, voilà. T'as pas. Non, j'ai pas. Le tremplin du Hellfest, The Voice of Hell, le tremplin qu'il est bien pour jouer en main stage, arrive à son dernier jour ce jour. Donc, techniquement, quand vous entendrez ce podcast, il sera trop tard. Trop tard ! C'est marqué trop tard avec des points d'exclamation. Mais le 23 mars, c'est-à-dire samedi dernier, ou plus précisément il y a deux jours, oui, il y avait déjà 500 groupes inscrits, ce qui fait pas mal. 500 groupes inscrits. Ouais, c'est impressionnant. Bah, ouais, c'est vrai qu'il faut imaginer ça. C'est dur comme travail quand même. De voter pour les 500 groupes ? Bah non, de les auditionner, ouais. 499. Bah en fait, c'est pas comme ça que ça marche normalement. C'est tout le monde qui vote et c'est les votes qui. Tout le monde peut voter. Ah ben voilà. Alors justement, c'est intéressant. Justement, comment ça se passe ? Comme l'année dernière, je suppose. C'est-à-dire que n'importe qui peut aller voter pour n'importe quel groupe. Eh bien voilà. Donc ça va sûrement. Mais les gens ne sont peut-être pas au courant de tout ça. Bah alors, je balance les choses comme ça, des buts en blanc. Mais parce que moi, je tape dans le tas, moi, j'ai pas peur de retenir. Développe. Eh bien, de mon expérience passée, il y aura les 500 groupes présents sur leur page et on pourra voter pour le groupe de notre choix. D'accord. Ce qui veut donc potentiellement dire que le groupe au plus grand nombre de likes sur Facebook gagne. Ah oui. Bah ouais. C'est triste. Bah bon, je vois que ça, moi. Ça fonctionne comme ça, quoi. Bah c'est un peu. Je vois pas. Ouais, c'est triste. C'est... Ou alors après, ça peut jouer dans un mouchoir de poche, mais le petit groupe qui va démarrer va avoir plus de mal que d'autres. Sais-tu d'ailleurs d'où vient cette expression mouchoir de poche ? Je l'ai su, mais là je ne sais plus. D'accord, c'est dommage. Est-ce que tu aurais aimé en connaître ? Bah oui. Très bien. Eh bien, je vais le noter pour la semaine prochaine. Mouchoir de poche, très très bien. Ben, meuble ? Vas-y, meuble là, tiens. Ben, j'ai un. Février. Donc, jeudi 1er, Sainte est là. C'est passé en même temps. Vendredi 2. Bah, tu veux que je donne le futur ? Bah, c'est plus sympa. Donc, on est le lundi 26, c'était la Sainte Larissa aujourd'hui. Tiens, je ne connais pas. Donc, je vais sortir un truc con. Demain, c'est le mardi 27, c'est la Saint Habib. J'en connais un. T'en connais un ? Ouais. Moi, c'est bon, c'est marqué. Alors, autre news du fest, deux nouvelles interviews sont sorties sur le site. À savoir la première interview de Malmore, groupe que j'ai pu chroniquer dans ce même podcast. Dingue. Ouais, truc de fou. C'est comme par hasard. Ils avaient une chanson qui s'appelle Baltrap, ça m'a marqué. Ah, cool. Un autre Baltrap. Donc, le seul truc que j'ai ressorti de cette interview est que le vendredi 22 juin, une fois les portes de l'enfer franchies, filez tout droit devant vous, Main Stage 2, Malmore, ouvre le bal des damnés avec vous. Parce que c'est eux qui ouvrent en fait le. D'accord. Ouais. Et ils ont payé combien pour ça ? Ça balance. Ben, je sais pas, je pense pas qu'ils aient. Je pense que ouais, c'est le fait qui les paye. Enfin, je pense que ça marche. Ah oui, d'accord. Je pense. Parce que sinon, c'est un peut-être peu. Peut-être que maintenant. Ah, peut-être que maintenant. Du coup, ils vont donc ouvrir le bal et puis voilà. D'accord. Et ils ont l'air de bien se préparer pour ça, principalement, tout au cours de ces mois à venir. C'est ça. Et l'autre interview est pour le groupe Oranzi Pazuzu. Ah oui, que j'ai eu l'occasion de chroniquer. Ouais. Voilà. Alors ? Ouais, pareil. Ça, c'est ça. Deux fois même. À la question « Que penses-tu de la programmation de cette année ?» La réponse « Comme à chaque fois, tu trouves tout ce qu'un fan de musique heavy a envie de trouver. Tu peux te focaliser sur une des deux scènes plus petites et observer des groupes extrêmes assez underground ou expérimentaux, tout comme tu peux aller voir Iron Maiden ou Judas Priest. Difficile d'attendre davantage de la part d'un festival de métal. » J'ai trouvé cette question et cette réponse intéressante, surtout avec la question qui suit. « Au-delà de votre performance, y a-t-il des groupes que tu attends plus particulièrement ?» Réponse « Maiden, Priest, Dalek, Jessica 93, At The Gate, Watten. » Au moins cela. Et là, j'ai pas compris le mec qui dit que c'est une affiche trop bien pour les fans de Heavy et qu'après il sort d'Alec, Jessica 93. Watten, dans le même. Ouais, je pense qu'il doit avoir des problèmes. Et ce qui est petit détail amusant, ce sera l'une des plus grandes scènes que Oranzi Pazuzu va faire. Ah ouais ? Ouais. C'est fou ça. Ouais. Et peut-être la seule ? Non, je pense pas. Bah, peut-être. C'est un groupe qui vient d'où, Oranzi Pazuzu ? Je me rappelle plus, désolé. J'ai l'écouté, mais. Attends. Je me rappelle pas. Meuble. Ah, qui ? Je sais pas. Bah, parcimonie, meuble. Ah, bah écoute. Non, j'ai pas d'infos, moi. Bah, non, mais t'as pas besoin d'infos pour meubler, tu racontes des trucs. Des conneries, des blagounets. Tiens, bah, c'est quoi ton avis sur The Legend of Sigulmen ? Alors, moi, j'aime bien Legend of Sigulmen, je trouve que c'est un univers intéressant. Et je trouve que chaque morceau est très différent, donc du coup, j'aime beaucoup, ouais, ça passe bien. Franchement, j'aime bien. Ah bah, moi, j'ai pas du tout trouvé que c'était très différent. Ah ouais ? Ah, pas du tout. C'est vrai ? Ouais. Ah, mais je trouve en même temps, mon avis ne compte pas. Mais juste après, chacun son point de vue, mais non, j'ai trouvé ça. Je suis un peu largué parce que j'ai pas l'impression. Donc, c'est riche musicalement aussi. Ouais. Donc, c'est du black metal psychédélique qu'il a joué sous la Temple. C'était dans l'épisode 11. Et ils viennent de. Et ça commence comme ça, du coup. Okay. Quoi ? Black metal. Bah, ça commence avec du black. Bah, non, pas là. Non, ils ouvrent pas. D'accord. Non, c'est Malmort, le premier groupe qui ouvre. C'est Malmort qui ouvre, ok. Groupe français, ouais, Cocorico. Ils viennent de. Je peux le dire, je l'ai l'info là. Vas-y. Finlande. C'est des Finlandais. Et plus précisément de Tampere. Ils ont une date d'activité de 2007 et 4 albums. Ah bah alors ça, c'est la meilleure. Parce que moi, c'était épisode 11, t'as pas marqué ? Bon, tu crois que je note à chaque fois épisode 11, pardon. Épisode 2. Excusez-moi, je croyais que vous étiez professionnel. Encore, ça va bien. J'ai bientôt ma carte. Donc, c'était tout pour les news du fest. On va passer aux autres news. D'accord. Bob, oui, c'est qu'as-tu moi. Dans ta petite besace magique ? Oh, dans ma petite boîte à malice. Oui. Alors, on va commencer par le premier. Le Gastein Calling, qui est un festival. Oh, mais dis-moi, encore une news de festival ? Mais ouais, parce que moi, je suis le mec qui fait les news de festival, apparemment. donc, si je me trompe pas, le Gastein Calling 2018 est à Azarouac, le 9 et 10 novembre. Victoria Gastein, Irabia, Arena. Voilà, j'imagine que c'est en Espagne, un truc comme ça. Si je très, très bel accent. À la frontière, c'est ça, à 2 heures de nos frontières. Dans le Pays Basque espagnol, s'il vous plaît. Avec, dans la petite programmation, s'il vous plaît, Propagandi, Suicidal Tendencies, Cockney Reject, Sedgix the Exploited, Agnostic Front, Dagnasty, Street Dog, Notom Tour et plus si affinité. Mais dis-moi, c'est une affiche pas si dégueu ? Ben, pour le moment, ça va. Très très bien. Voilà. Après, je ne sais pas comment on dit plus en espagnol. Plosa. Voilà, c'est ça. Bandas Tibia. D'accord, très bien. C'est ça. De mon côté, en news, il y a eu la sortie du nouvel album de Carpenter Brut que j'ai écouté et fait écouter à mes amis ici présents. Je pense qu'on peut être assez unanime en disant que. Ah oui, c'était ça. Oui. On s'en rappelle. Ah. Ça nous a marqué. Ah, c'était formidable. C'était bien. C'était surtout une espèce. Sur le chemin pour aller voir. De la musique ça, pop. De la musique pop, c'était sympa. Je crois que je te l'ai remis le lendemain exprès pour t'emmerder en plus. Ah, c'était bien. Hein. C'était, ouais. Ça sonne bien les amis. Comme je dirais, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le générique de Tonnerre Mécanique. Du coup, ça cool. M'a beaucoup fait penser à ça. Ouais. Un peu. C'était, voilà. K2000, non, un peu, non, dans l'esprit. Bah, un peu, ou même Super Drive aussi, un peu, si on part dans le délire. De quoi ? De Drive. Drive, ouais. Ouais, oui, voilà. Un peu, hein. D'ailleurs, en fait, que, pour en revenir à, juste à ça, on peut pour être un petit peu renseigné sur justement le groupe. En fait, comme c'est une bande originale d'une histoire qu'il a lui-même inventée, machin, je trouve, et ça, c'est quelque chose qu'on sait que dans les dossiers de presse, comme nous n'y avons pas encore accès, même si dès qu'on aura nos cartes, c'est bon, c'est quoi, c'est l'histoire de quelques jours maintenant, mais. C'est ça. Dès qu'on aura nos cartes, on pourra sûrement avoir les dossiers de presse et nous aussi être mis au courant et du coup, pouvoir mieux recevoir ce genre d'album. Ah. Voilà. Mieux en physique, tu veux dire ? Non, mieux recevoir pour appréhender. Ah oui. Plutôt que de parce mieux que recevoir dans nos esgourdes. C'est oui, ça parce que je l'ai pris un peu violemment moi la première fois quand même. Bah, j'imagine. Je t'ai pas. Bah déjà l'idée quoi, moi elle-même quoi, c'est assez violent quoi. Ouais, mais l'idée peut se défendre. Le groupe Hellfest beaucoup moins déjà. Mais oui, bien sûr. Alors sinon, nouvel album de Judas Priest dont je vous ai quand même fait écouter une petite chanson dans la voiture. Ouais, c'était sympa. Ben vous aviez dit que c'était pas si mal. Et ben ouais, c'est pas c'est mal. Mieux que ce qu'ils ont c'est fait mieux avant. Que l'album que t'as. Par exemple. Oui, voilà, carrément. Tu vois. Ça je suis d'accord. C'est un peu oui, pour ça. Je ne sais plus quoi. C'est pour ça que je t'avais dit d'écouter d'autres trucs. T'as jamais. Alors donc. Je peux pas jouer Du piano debout. C'est ça. C'est peut-être un détail pour toi, mais pour moi, c'est... Ça s'appelle comment, d'ailleurs, ça? Une cible de fléchette. Cible de fléchette avec les scratch. Non, moi, c'est pas la seule chose. Très bien. Ah, une petite autre news, Bob. Jacques. Bah si, hein. Ah, attends. Oula. Ouh. Alors, si je ne me trompe pas, je crois que je vais passer à la future. Zut, t'as vu, c'est rigolo. Le Death Fest Open Air qui m'a fait beaucoup rire. Ah oui, ah, la fameuse. Enfin, Fest, je ne sais pas trop, F-A-S-T. First. Fist Fest, je ne sais pas trop. Par contre, je ne pourrais pas vous dire où est-ce que ça se trouve, mais allez voir, parce que ça vaut le détour. Enfin, l'affiche, hein. Vaut le détour. Tu n'auras qu'à la mettre sur la page. Je vais la mettre sur la page. Ça fera exactement beaucoup. Ah, attends. Penser que j'ai pas pris la photo de la page de la photo. Ah, t'as oui, tiens, dis donc. Non, mais vas-y, vas-y. Petite erreur. Oh, c'était un bruit. Ouais. C'est du couinage. Je vais vous dire. Ta-da-da. C'est en Allemagne. Ah. Voilà. Donc, c'est un festival de 3 jours, 55 euros les 3 jours. C'est correct. C'est plutôt correct, parce que d'après ce que je vois, grosso merdo, il doit y avoir une trentaine de groupes, un truc comme ça. Donc voilà, c'est un Jus Andernach, hein, tout simplement. Mais allez voir, hein, Death Fest, donc Fest, c'est F-E-A-S-T, Open Air 2018. Et ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est justement les typos, hein, de groupes, hein, qui sont... tellement illisible certaines fois, surtout, hein. Ah oui, là, celui-là. Ils ont été obligés de sous-titrer en dessous le nom des groupes. Ça, c'est drôle. Donc, ça, c'est drôle. Mais on postera, hein, la photo du truc pour que vous vous rendiez compte de par vous-même. En fait, de visu. On devrait presque même faire un jeu, tu coches, tu caches ce qu'il y a marqué en dessous et tu fais deviner. Alors, c'était quoi? Parce que là, c'est drôle. Ah, mais alors, celui-là, qui est totalement explosé, là, t'as l'impression que c'est de la pelouse. C'est assez rigolo. C'est vrai. C'est là, vrai. T'as un tas de bois. On dirait que le mec, il a fait une photo de son jardin, en fait. Regardez comme j'ai pas très bien coupé ma haie. c'est ça. C'est pas régulier. Et ben, c'est ma haie. Ouais. Ouais, ouais. Ça, voilà. Enfin, du coup, c'est pas cher, mais y a rien. Du coup, on sait pas trop ce qui. Ah, ben, bah, si, y a quand même. Black Dahlia Murder, qui est un groupe. Voilà. Oui. Misery Index, je ne sais pas trop. Dying Fetus. Hey! Quand même, s'il vous plaît. C'est vrai. Et bien d'autres. Mais vous trouverez. C'est le Party Cannon que j'ai bien aimé aussi. Le Party Cannon? Parce qu'il est totalement lisible celui-là. Ah oui. Il est en sous-titré aussi. Ah bah c'est quand même. C'est pour pas faire de jaloux. Bah c'est ça. Sinon ça craint. Sinon il y a Cannibal Grandpa. Cannibal. Tubilibilib. Vous inquiétez pas, c'est normal. Je transfère, je fais des choses. Voilà. Très bien. Donc, c'est tout pour moi, hein, pour le Death Fest Open Air 2018. Eh bien, merci beaucoup, Bob. Ouais, bon, parcimonie, une petite news. Ben, les news, j'en ai pas vraiment. J'ai vu que Rob Zombie et Marilyn Manson allaient entamer une tournée ensemble. Mais après, je dis pas les dates exactes. Un truc intéressant, plutôt. Je rigole, bien sûr. On a le droit d'aimer l'un comme l'autre. Les blagues et les... Ah bon, ils font une tournée ensemble. Ouais, ils vont faire une tournée ensemble, ouais. Ah bah cool, je ne l'avais pas du tout vu passer, donc c'est que... Merci. Je dois en avoir d'autres, mais comme ça me vient pas. Eh bah écoute, je fais une news, et si ça te revient, ça tu n'hésites pas. Petite news de chez nos confrères, amis, collègues, frères de métal du Mutukultur, à savoir les nouveaux noms et... Ah, c'est ça que je cherchais. Les derniers noms, ceux qu'on mettra, ceux qu'on recevra, une grande histoire de famille. Les derniers noms de cette édition 2018, à savoir Abbath, Shining, Nashville Pussy, Stone Jesus, Erebaltor, Tau, The Lumberjack, Feedback, Loot, Made of Ace. Il y a par contre du côté des annulations Napalm Death, qui a l'opportunité de participer à la tournée d'adieu de Slayer, ouais. Donc ils annulent leur venue à Saint-Nolf. Et le motoculteur dit qu'ils auraient fait pareil à leur place. Il y a également Shaw James qui reporte l'ensemble de sa tournée d'été en Europe car il sera en studio aux États-Unis. A savoir qu'il y a également aussi le Running Order qui a été posté sur leur site. Donc tu peux déjà savoir quand passe tel ou tel groupe. Tout en sachant qu'il reste quand même 23 groupes à annoncer. Ah bon? Bah, ah, je pensais que c'était fini, moi. Non, c'est non, encore 23. J'ai préféré te rattraper parce que j'ai cru t'entendre dire les derniers. Oui, je pensais que c'était les derniers, oui. Mais non, il reste encore 23. Ah, heureusement que nous sommes deux, sinon ce podcast ne serait tellement pas exhaustif. C'est vrai. De leur côté, le Moutkultor a aussi un tremplin pour permettre à des gens de jouer je ne sais pas où. Mais sûrement sur une scène du motocultor ou sur la ou sur la remorque d'un tracteur peut-être. Donc ça va se passer le samedi 7 avril au 4 bis à Rennes. Il y aura donc dans les groupes Cerboiteux, Infected, Inseminate Degeneracy, Sideburn et Villa. Je tiens juste à rappeler que les clauses pour faire partie de ce tremplin étaient de faire partie de la région proche de chez eux et que c'était quand même une bonne démarche. Qu'on tient à souligner chez Rod to Hellfest. Salut la démarche. Salut la démarche. Porte-toi bien. Ciao l'artiste. À la prochaine. Voilà. D'autres news ? Oui. Je t'en prie. Nos amis de Black Desert. Non, encore Records organisent un petit festival du vendredi 13 avril. À partir du vendredi 13 avril. À la scène Michelet à Nantes. Donc voilà. Allez-y, tous nombreux, avec Solar District, Crawling in Sludge, Only Nated, Rust Theory, Missing Mile, El Royce. Voilà, que des amis. Tout simplement. Oui, c'est vrai, que mais d'ailleurs, il n'y a pas eu un autre truc aussi au Portobello Rock Club, là ? Au Portobello Rock Club, c'est fort possible. Ouais, et je n'ai pas vu. Je l'ai vu, mais je ne m'en suis pas occupé. Ah, ouais. Il va falloir qu'on... je sais pas comment on dit, qu'on fasse bien notre travail pour la semaine prochaine. C'est vrai, c'est marrant parce que peut-être qu'on a pas eu trop le temps de de se préparer. Alors, on n'a pas eu le temps, attends, ça va vite 15 jours. Alors, donc, de nos jours, je rappelle, le vendredi 13 avril à partir de 18h30. Où ça ? À la scène Michelet. À la scène Michelet. D'accord. Et le 14 avril, samedi, à partir de 18h30. Est-ce qu'on y va ? Oui. Ah, ils nous ont invités ? Non. Ah, mais ils vont le faire. Ils vont le faire ? Ils vont le faire. Eh bien, très, très, très, très bien. Nous sur place, 6 euros. 6 euros ? Voilà. Place de jour, 10 euros. Eh bien, très bien. Eh bien, nous allons y aller, alors, vu qu'ils nous invitent. Du live à 20h. Parfait, ça nous va, nous. C'est très bien. C'est ce qu'on aime, c'est l'heure qu'on aime. C'est ça. Très bien. Est-ce qu'on attaque d'autres news ou pas, les gens ? Parcimonie. Mais je regarde justement, tu vois, je fais la curieuse. Elle fait la curieuse. Festival, Sauce Troopers. Je t'en prie, vas-y. C'est au mois de septembre, peut-être qu'on renoncera un petit vendredi 21 septembre, vendredi 22 septembre, samedi 22 septembre, pardon, à Marseille, le Sauce Troopers Festival 2018. Hey. Avec entre autres Satan, Diamond Head, Titan, Speed Queen, Venin. Sand in Hell, Stone Cats et bien d'autres. Voilà. On aura l'occasion d'en reparler. D'accord, très bien, merci beaucoup. Voilà. Est-ce qu'on n'attaquerait pas par le. Ah, apparemment, Parcimonie me fait presque des signes pour me dire qu'elle a quelque chose à dire. Alors, moi j'ai quelque chose, mais ça se passe pas en France, donc c'est dommage. Mais c'est le Earthrugger Festival avec Clutch, Black Label Society, Corrosion of Conformity, Hyatt God et l'autre, j'arrive pas à lire. Je connais personne. Mais c'est loin, si c'est en Virginie. C'est voilà, en Virginie, c'est donc voilà. Oh, mais là, je connais une Virginie. Sympa, ah ouais ? Elle est sympa ? La ouais. fiche, elle est cool. Ouais. La du fiche. Coup, ça attire l'œil, forcément. Et... Ouais, ouais. Très bien. J'ai vu ça tout à l'heure, mais je m'ai dit non. Ben voilà. Voilà. Très bien. Eh bien, merci pour toutes ces news. Quelle fine équipe nous faisons. Passerions-nous pas maintenant à ce report de ce qui nous a valu ce temps d'absence ? Oh, l'enthousiasme ! Le naturel, t'as vu ça ? Bon, allez, nous étions absents pendant 15 jours, donc du coup 3 semaines, bon, je sais plus du tout. Bref, on a été absents pendant l'équivalent de 2 numéros parce que nous étions partis à 2 concerts rétrospectivement, un par semaine, et que comme nous sommes loin d'être jeunes, mais pas encore totalement trop vieux. On est entre les deux, je crois, à peu près. Mais on est quand même assez entamé pour avoir du mal à faire beaucoup de choses dans une semaine. C'est ça. Donc, il y a 15 jours, nous sommes montés en région parisienne pour nous rendre jusqu'à la salle du Trianon, où nous avons eu le plaisir de voir... Avatar. Donc, on va dire qu'autour de cette table, la plus grande fan d'Avatar... C'est moi. Groupe découvert suite à mes conseils, je tiens quand même à le rappeler. C'est vrai. Donc, nous t'en prions, parcimonie. Parle-nous de ce concert. Ben écoute, moi j'ai adoré le concert. J'ai adoré la salle aussi, franchement, j'ai trouvé que c'était une très bonne ambiance. On arrivait un petit peu en retard, ce qui est... C'était dommage. Ah, pardon. On a loupé la première partie, mais après, j'ai aucune idée de l'heure à laquelle il commençait. Hall McCary. Ouais, je sais même pas ce qu'il faisait. Si, il fait tous les instruments tout seul, en fait. Ok, d'accord. Guitare. Donc, on est arrivé, il y avait un super spectacle de freak show, on va dire. Super. Ouais, non, façon de parler. Un petit spectacle de freak show, mais. Ça faisait une tasse, c'était bien, voilà. C'était dans l'esprit, mais c'était plutôt sympa. Mm. Franchement. Il y avait une bonne ambiance dans la salle. C'est vrai. Après, le groupe, franchement, a vraiment bien envoyé. Enfin, vraiment, moi, j'ai trouvé qu'ils ne se sont pas arrêtés 5 minutes. Enfin, ça enchaînait. C'était impressionnant par rapport à l'énergie qu'ils donnaient, j'ai trouvé. Mmh. Mmh. Ouais, je suis assez. Et ça se tenait bien musicalement, franchement. Il y a eu quelques petits pains, mais rien de méchant, quoi. Et franchement, c'était cool, quoi. Ah. Toi, tu n'acceptes pas le pain? Si, justement, au contraire. Ah oui. Oui, c'était très bien. Puis tu voyais qu'ils aimaient, enfin qu'ils étaient contents d'être là, quoi, voilà, qu'ils se donnaient à leur public. Franchement, je l'ai ressenti comme ça. Après, c'est mon point de vue. Bah, j'ai trouvé ça cool. C'est vrai. Moi, j'ai eu l'occasion, bah, comme vous, de les voir en festival. Et bah, je me souviens avoir dit à la fin du set du Hellfest que j'avais l'impression d'avoir vu le même concert qu'au Download et que j'avais envie qu'ils se renouvellent. Là, c'est le cas. Ils sont vraiment, en fait, ils sont venus défendre leur album concept. Et les nouvelles chansons se mélangent bien aux anciennes, ce qui est plutôt pas mal. Sauf peut-être les trop anciennes qui font un petit décalage parce qu'elles sont un peu dans un autre style. Complètement, oui. Et sauf à part ce truc-là, mais le concept de l'album, d'avoir choisi l'un des membres comme étant le roi, est tenu sur tout le concert et ça marche vraiment bien. Je pense que Julien, juste le moment où il a décroché, c'est à la fin où quand il était, il m'a semblé, pour le coup, vraiment ému. Et que du coup, là, il n'était plus dans son rôle, en fait. Et il était touché, en fait. Après, c'est sûrement, sûrement que ça lui a fait sur d'autres scènes et que bah, ça faisait peut-être aussi partie du show de dire à quel point il était touché. Enfin, après tout, dans ce qu'il a écouté, c'était je ne sais plus combien de fois qu'il était venu à Paris, mais que c'était sûrement la meilleure. Ouais, 2006, je crois que ça devait être la 6e ou 7e fois, je crois. Un truc comme ça, en tout cas, et que c'était la meilleure ce soir. Mais parce qu'il faut reconnaître, c'est vrai qu'il y avait quand même une vraie ambiance et que l'avantage du Trianon, parce que apparemment c'était. Richard m'a fait la même remarque, parce que lui, je ne sais plus quel groupe il avait été. Ça devait être Machine Head qu'ils avaient été venus voir au Trianon. Et en fait, il m'a fait aussi remarquer à quel point bah, t'as pas besoin de bouger là-bas, tu bouges tout seul tellement le sol. Il y a un trampoline. Et c'était vraiment cool de ça. Donc, c'était vraiment cool pour ça, parce que cool de ça, ça ne veut rien dire. Donc moi aussi, j'ai plutôt trouvé que le concert était bien. Bon, moi, je l'ai déjà expliqué hors antenne, mais j'avais décroché un peu, mais c'est perso, c'est moi qui, des fois, te dis « Oh, j'ai vu un papillon !» Et j'ai pensé à un papillon pendant une demi-heure. Voilà. Merci, mais à côté de ça, j'étais quand même totalement conscient que c'était un super concert qu'il y avait, le public était fou, mais j'aurais peut-être dû aller plus dans le feu de l'action pour moins décrocher. Et toi, Bob ? Ouais, c'était pas mal. Mais tu restes que sur toi. c'est tout. Pas un petit peu plus de non. Non, c'était très bien. Non, ça fait plaisir justement d'aller voir des concerts, de voir des groupes autres que des petits groupes, on va dire. Parce qu'on voit beaucoup de petits groupes quand même. On essaye. Machin. Et voilà, aller voir un groupe, un gros groupe, bah, de temps en temps, ça fait plaisir aussi. Quoi. Et puis bah, la scène s'y prêtait énormément bien. Enfin, la salle en elle-même, quoi. C'est vrai, quand tu rentres au Trianon, quoi, tu prends une claque, quand même, ouais. C'est la gueule, quoi. C'est grave. Hein, donc, voilà, c'est pas rien. Paris, c'est sympa. Moins. Ah ouais, non, c'est vrai, c'est pas ce que je devais dire. Paris, c'est moins sympa que le Trianon. Ah, en fait, c'est juste qu'on a joué de malchance à plein de moments. C'est ça. C'était plutôt cool. Et ouais, le freak show, bah, c'était la première fois que je voyais un freak show, donc plutôt content et carrément ouvert Donc forcément, je faisais des gueules, j'imagine que beaucoup faisaient. Genre. Et bien sûr, toujours la même réflexion, comment tu te lèves le matin en disant je me mettrais bien à accrocher de boucher dans le nez. Que je leur ferais sortir pour quoi, parler. Pourquoi je vais mordre une tronçonneuse. Oui, voilà. Ça me plaît bien, ça. J'aime bien. Je pense que ça ferait bien sur scène si je mettais une tronçonneuse dans ma bouche. Ouais. D'accord. Et si je dansais sur du verre pilé. Et encore, il paraît qu'ils ont été soft parce qu'apparemment, ils ont un site où ils montrent un petit peu tout ce qu'ils font et c'était très soft en fait par rapport à ce qu'ils font en vrai. Bon, c'est nul. Bah ouais. Bon, mais il y a beaucoup d'enfants qui viennent voir Avatar en concert et donc du coup je pense que voilà ils se sont dit on va peut-être un petit pas peu calmer le show de je ne sais plus leur nom de merde voilà oui Ola Pal... pour faire plaisir Ola Pudding ou quelque chose comme ça non ah c'est ça Ola Pud oui c'est ça je suis pas sûr de la prononciation Ola Pudding c'est pas ça c'est un prénom je crois au début. Non, non, le prénom, c'est l'autre mec qui est venu. Ouais, bah c'est ça. Bah c'est l'autre mec qui est venu, le prénom. Et du coup, ça, c'est... Et ben, c'est... oh, bah, il existe tiens, plus, c'est ce truc. C'est la Saint-Guy demain. Ah, tiens, la Saint-Gontran, le 28, si vous avez des amis qui s'appellent Gontran, bah, n'hésitez pas, le 28, hein, pensez-y. C'est pas Ella Poppins ? Ella Poppins. J'ai pas retrouvé le nom, mais je crois que c'est ça. Ouais, c'était pas loin. Ella Poppins. Mais si, parce qu'il y a Old McCarrickey, mais. Donc lui, c'est celui qui fait plein d'instruments. Qui fait tout seul, en fait. Oui. C'est ça. J'ai vu une photo. Kerry King, d'accord. Oui, c'est Kerry King. Bah, Slayer s'arrête, donc. Voilà, c'est ça. Il faut bien qu'il sorte de même. Bah, c'est ça, il a raison. Hein. D'ailleurs, donc, on peut aussi noter un petit truc amusant, c'est que pour le merch du groupe, il y avait une roue. Tu payais 10 euros, tournait la roue et tu pouvais soit partir avec un poster, soit des baguettes, soit un t-shirt, soit... Bah t'avais tout le merch en fait. Voilà, mais qui était au hasard, donc tu pouvais soit pour 10 euros payer un truc cher. J'aurais dû tenter beaucoup ça. De stickers. J'aurais dû tenter. Ouais, bah, les stickers sont... Ouais, non, je pense pas. Il y avait beaucoup de posters et stickers ouais. qui avaient été rajoutés par-dessus certainement... J'ai bien fait de pas le faire en fait. Non, après... Après le merch, comme d'habitude, était un peu cher. Bah, comme d'hab. Comme d'hab. Mais ça marchait toujours bien. Hein, tu... Et donc, c'est vrai que sinon, on peut se dire qu'on a un peu galéré et que la scène était très belle et que c'était un super concert, alors que la semaine dernière, on a beaucoup moins galéré. Carrément. Bah ouais, parce qu'on a un peu... Hey, pas mal, Joe. Pas mal. Salut, bonsoir à tous. Joe, tu nous manques, mec. Tu manques. Bah moi plus en fait. Ah bon? Parce qu'il m'a manqué au début, un peu moins après, puis là bah du coup Mais tu te souviens pas comment il est? Il a son petit air comme ça, un petit peu. Ah ce petit œil qui, qui scintille. Scintille, tu sais. Ah. La petite étoile dans le regard. Parce qu'on va aller au Hellfest, ça va être trop bien tout ça. Bon maintenant il s'est fait dépiffer. Allez, il a plus l'œil qui sentit comme ça. Bah beaucoup moins. Bah si maintenant il en veut, il se ment à lui-même toujours, c'est ça va être pas pareil, ça va être une nouvelle expérience différente, tout ça. Ouais, vous inquiétez pas, je vais me coucher tôt, je vais pas faire le con. Ouais. Voilà. Et donc, la semaine dernière, à savoir jeudi, nous voilà-t-il pas que nous étions repartis en vadrouille. Oh bah dis donc, dis donc, ce fut un mois de mars. Oh là bien là chargé là. Et c'était qui qu'on a été voir cette fois? Nico. Oui, on a été voir Nico. Nico. Non, mais pas, enfin, pas que. Non, on n'est pas parti pour aller voir Nico. Non, c'est vrai, on va pas mentir. Même si il est sympa. Mais attends, mais fais des choses dans l'ordre, putain, bordel de merde. Je te fous de tout, bordel. On a été voir. Un programme. Machine Head, gros programme, il est marqué. Ouais. Voilà, Machine Head, pour la première date de sa tournée en France qui était, complet. Oui. Au 106. Ouais, oui, au 106. Clair. Donc, qui était aussi une découverte pour vous de la salle du 106. Mmh. Qui est... Quoi pourquoi quoi mais non qui était pour vous bah, c'est vrai en même temps alors cette salle bah oui alors cette salle et bah laissez c'est pas cette salle moi j'ai bien aimé la salle franchement je vois pas dans son jeu je vois pas ce que... si mais c'est vrai en même temps qu'est-ce que tu veux écoute, c'est la première fois déjà allé c'était votre première fois je vois pas ce que j'ai dit de choquant écoute Moi, j'ai adoré parce que tu pouvais circuler tranquillement. Tu prends tout comme une agression, c'est grave. Je prends pas ça comme une agression. C'est une agression. C'est une agression. Du coup, alors, cette, bah, parcimonie, cette salle du 106, c'était la première fois que tu y allais ou pas? Ouais, c'était la première fois que j'y allais et j'ai adoré. J'ai trouvé qu'en fait, on pouvait se balader. On pouvait se balader tranquillement, il n'y avait pas la queue nulle part. On pouvait circuler comme on voulait, on pouvait bouger comme on voulait. Et ça, c'était vraiment génial. Et on peut aussi même noter que malgré que la soirée était sold out, il y avait quand même de la place dans la salle pour être bien aussi. On n'était pas trop serré à aucun moment. On peut aussi c'est dommage, on n'aurait pu danser le zouk. Ah non, non. On pouvait. Ouais, non, je danse si pas on ça. On avait voulu vraiment. Non, je danse pas le zouk. Ouais. Mais on n'était pas collé serré. Donc. On s'arrête. Il y a des choses avec lesquelles on rigole pas. Le zouk, on se marre pas. On va trop loin. Ouais, carrément. Ouais. On peut parler de Carpenter. Je déteste le zouk. Mais pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui t'a traumatisé du zouk ? J'ai passé beaucoup de soirées antillaises. Oh là là. D'accord ? Mes 20 ans ont été fêtés dans une boîte antillaise. Alors que tu n'aimais pas ça en plus. Alors que je détestais ça, d'accord ? Pourquoi on t'a fait ça ? Ils sont sympas tes amis. Non, c'était ma mère. C'est ta mère qui t'a fait ça. Ta mère. Ouais, hein. D'accord ? Pardon. Donc c'est facile des fois, c'est un traumatisme. On compatit. Ah, c'est facile pour toi de parler de ton enfance difficile. Tu veux que je parle de la mienne, moi ? Si on parle de la valse, ça va, ça marche. En fait. La valse, ça. Non, il n'y a pas de soucis. Même si des fois. Pardon, parcimonie, j'ai pas entendu. Et vous êtes en train de me perdre, je suis désolée. Mais suis un peu. Je suis en train de m'imaginer des trucs et. Wow. Si, moi je vois bien Jack. En train de danser. Non, je crois pas, non, je faisais la gueule en fait toute la soirée. Ouais. T'as même pas bu ? Ah non! Même pas un guipon? Ah non, non, je. T'avais quel âge quand on t'a fait ce coup-là? 20 ans! Il y a Mais j'ai dit que j'étais perdue! Hein. J'ai dit que j'étais perdue! 20 ans dans une boîte zoom! J'ai dit que j'étais perdue en même temps! 20 ans! Voilà. Ouais. C'est dur! C'est ça! C'est très dur! On vous a dit, on se dévoilerait un peu! Ah, on se dévoile un peu! Hein. J'ai eu le droit à tout! J'ai eu le droit à ce soir, c'est l'anniversaire de Jack! C'est ça, j'ai le droit! Tu t'appelais déjà Jack? Bah oui! Cool! Attends, j'avais pas donné mon vrai nom dans une boîte entière. En même temps, moi j'ai fait des. Mais on t'a obligé à danser et tout, non ? Bah, ça me va, moi, c'est parfait pour moi. C'est, franchement, je préfère. Ouais, un pomme de bière. Tu vois ? En même temps, c'était un bon anniversaire. Tu vois ? Et j'étais tout seul. Et ce soir, en fait, l'anniversaire. Et ce soir, je me fête. Voilà. Alors, tu es comme une bonne grosse vie de merde. Bah, quand t'arrives à dépasser 30 piges et que tu fais un podcast, t'es déjà au niveau pas mal. Alors, donc. Tiens, je viens de l'ouvrir en boîte, s'il vous plaît. Du coup. Il n'y en a plus. Merci. Mais, alors, machine aide. Il me l'a bouffé. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? J'ai le mur. Avant de parler du concert, on va quand même parler de la joie, le bon moment partagé avec ce bon Nico. Qui nous a quand même direct parlé une bière. Ah, c'est bon, Nico. Qui nous a directement payé une bière. Ouais, on lui a pas forcé la main du tout. Pas du tout, c'est venu de lui-même. C'est venu de lui-même. Les gars, vous voulez boire une bière ? Attends. Allez, une bière. Ah, je vous avais promis une bière. Et encore une, si c'est tout, hein, parce que franchement, j'aimerais bien en payer 15. Mais non, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, c'était fort sympathique. Dommage qu'on ne se soit pas vu plus longtemps. C'est vrai. Mais c'était vraiment sympa. Oh, et... On a pu finir dans une boîte zouk, c'est dommage. Fais gaffe quand même. Parce que je suis à deux doigts de. Je suis à deux doigts de barrer. Non, de partir en camette, là, je jure. Du coup, faut vraiment par contre qu'on essaye d'arriver à faire un podcast ensemble, ça serait cool. Une espèce de crossover, l'entrepode, Road to Hellfest, ou. L'entrefest. Entre les fesses. Non, je ne fallait pas la faire, celle-là. Bon, bref. Bah, comme d'habitude, elle est partie toute seule, je suis désolé. Ouais, bah, c'est pas grave. Tu comprends, c'est pas grave. Oui, je suis plus à ça près maintenant. C'est vrai. Du coup, concert en soi de Machine Head, alors, c'est beaucoup trop long, 3 heures. Hein, pour ma part. J'ai pas calculé 3 heures, moi, j'ai compté 2 heures et demie. Ah bon ? Ouais. Bah, j'avais fait gaffe, en fait. Alors, en fait, c'était des grosses menteries, hein, ce qu'on me disait. Ah, moi, j'ai compté. Hein. Bah, je crois que ça faisait 3 heures, ou toi ? Moi, j'ai compté 2 heures et demie, moi. Ah c'est bon. Peut-être la pause. Bah, on a fait une pause. Ah bah peut-être avec la. On a fait une pause un quart d'heure, minute, je dirais. On s'est posé. Ça a été bien. Ça a été bien. Franchement. C'est ça l'avantage justement du 106, c'est que. Tu peux ressortir, c'est agréable. Ouais. Hop, tac, on va rien. D'ailleurs, on peut noter que la bière n'était pas dégueu. Alors qu'au Trianon, elle n'était pas ouf. C'est vrai. Ah, mais on n'a pas bu de bière en Trianon. Si, si j'en ai pris une, moi, elle était dégueulasse. Bah oui, mais vraiment. C'était de la flotte, c'était. T'as bu de la bière ? Et c'était cher. Bah non. Non ? Mais elle a dit que c'était de la flotte et il y a un mec qui était là qui a dit oh, elle est dégueulasse la bière. Moi, c'est vrai. Ouais, ça m'étonne pas. Puis le barman faisait la gueule en plus. Bah, le barman n'était pas du tout cool, quoi, ça c'est clair. Non, alors qu'au 106, c'était vraiment. Ouais, c'était plus ambiance sympa. Quoi. Oh, non, ouais. Très bien. Non, et ouais, donc le concert bah, en lui-même était. Bah, c'est du. Enfin, c'est con ce que je veux dire, c'est la première fois que je joue Machinette, j'allais dire, bah c'est du Machinette, mais en vrai, ouais, c'était ça, quoi. J'ai pas. Bah ouais. Bah, ça s'est un peu aseptisé, je dirais, on est moins dans la colère du début. Mais on est un peu. Y a... Alors, j'aime pas trop dire ça parce que ça fait bizarre quand on parle de Machinette, mais il y avait un petit côté un peu pop, je trouvais de temps en temps le côté faire des grands signes, ouais, on chante, voilà. Ouais, moi, ouais, c'est... la façon de faire bouger la foule, ouais. On va dire, enfin, de motiver la foule. Moi, c'est pas trop mon délire. Ouais. Je pense pas qu'il y ait besoin de ça normalement pour être efficace. Peut-être à cause des nouveaux morceaux, c'est obligé, mais en tout cas, le public était là à fond, il y avait une bonne ambiance. On s'est tous les trois d'ailleurs retrouvés au milieu du pogo, alors qu'on avait passé la première partie plutôt au calme. Bah c'est ça en fait. Et c'est ça qui fait du bien en fait, c'est de se retrouver dans le pogo et de. Justement, ce petit besoin de. Ça fait un bien fou. Bah voilà, ouais. En étape en fait, on a fait la première partie du concert cool, découvrir. Découvrir. On a fait d'autres petites pauses, tranquillou. On y est revenu. Hop, on a eu, et puis on était dedans. Au feu. Circle pit, pogo. On a tout fait, on était bien. Pour des vieux, ça va. Ça va, pour des vieux, ça va. Avec pas de douleur le lendemain, bien remis et tout, nickel. C'est non, vrai. Du coup, c'était plutôt un concert vachement sympa. Par contre, c'est vrai que je me suis pas dit, tiens, la prochaine fois qu'il repasse, j'y retournerai à fond direct et tout. Je me suis pas fait cette réflexion-là. Moi non plus. Mais j'ai apprécié le concert. Hein, ouais, mais ça voilà. Fait toujours plaisir. Ouais. Après, c'est Machinette, de toute façon. C'est la seule et unique fois où on les a vus. Donc est-ce qu'on les reverra encore une autre fois? Est-ce qu'on les verra une autre fois? C'est pas dit non plus. Donc... Ouais, mais on les a pas vraiment vus non plus, on les a aperçus. C'est pas comme si on avait écouté le concert. De A à Z, enfin presque de A à Z. On a aperçu beaucoup de groupes. Mais tu voyais qu'ils étaient contents d'être là aussi, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est clair. Ça, c'est vrai que c'était assez comique. Ça faisait 2 semaines qu'il n'avait pas joué, si je me plante pas. Peut-être, ouais. Enfin, il a été malade et tout, mais je sais pas les dates exactes. Je sais qu'il avait annulé une partie de sa tournée. Il a mis une photo sur Insta et il met que justement, il est content. Après 2 semaines de pause, il a retrouvé un bon public à Rouen et ça lui a fait du bien. Ouais, ouais. Après, peut-être qu'il y avait encore une meilleure ambiance à Paris, allez savoir, mais. Non, je pense pas. Non, moi non plus. Mais non, c'était mieux. Sinon, par contre, petit bémol, mais là, on ne saura pas qui incriminer, que ce soit la salle ou le groupe ou les organisateurs de la soirée, mais il y avait une attitude des mecs de la sécurité déplorable, à savoir que tous ceux qui essayaient de slammer se retrouvaient projetés vers le public plutôt que d'être réceptionnés par du côté des crash barrières et de les faire repartir. Ils repoussaient à tous les coups vers le public et le public renvoyait également, donc ça faisait une espèce de ping-pong tout pourri pendant 10 à 15 secondes avant finalement d'accepter de le prendre et de le sortir. Et c'est complètement débile parce que personne, et ça, j'ai jamais entendu quelqu'un dire ouais, moi je trouve ça cool, mais personne n'aime avoir un mec qui slame sur sa gueule. Donc même quand t'es dans le public, t'aimes pas les slameurs, ça te fait chier. Tu comprends, alors, quel mec il veut éclater son truc, il veut vivre son concert, tu le laisses faire, y a pas de souci. Soit de passage. Voilà. Mais le truc, c'est qu'il part d'un endroit, donc c'est qu'il faut qu'il aille à destination. Donc faut pas nous le renvoyer. Parce que le seul truc qui risque d'arriver, c'est que la personne tombe et se blesse. Et c'est arrivé, j'ai vu un mec tomber, il s'est pas forcément blessé, mais il est tombé comme une merde parce qu'il y avait personne pour le réceptionner. Ah oui. Et les gens en avaient marre de le porter. Et accessoirement, c'est votre boulot, mec de la sécurité. Ça vous fait chier, je comprends bien, mais c'est votre taf. Vous êtes en ligne, vous êtes au bout de la ligne, vous réceptionnez le colis et vous le faites partir. C'est votre taf. Et c'est pas la peine de tirer la gueule comme vous le faisiez. Si vous n'êtes pas content, vous vous barrez. Les métalleux sont pas le pire des publics, ils sont souvent reconnus comme étant un public plutôt cool. Ouais, là, c'est des mecs qui. Oui, franchement, j'ai trouvé qu'en plus c'était plutôt cool quand même. Ouais, comme d'habitude. C'était pas la folie. Non, enfin, mais voilà, les mecs qui tombaient, on les ramassait. Bizarre, j'ai vu un mec perdre quelque chose par terre, on s'est tous arrêtés pour essayer de voir s'il arrivait et tout ça, à le retrouver. Mais voilà, les slameurs, ça fait chier tout le monde. Juste, ça fait partie du délire. C'est comme le mec qui va au milieu d'un pogo qui dit putain, j'ai pris un coup, vous faites chier. Bah, non. C'est ton petit collègue. Oui, il y avait un mec qui était. Ouais, ça, j'ai au bonnet. Ouais, un mec que j'ai. Si tu te reconnais, mec. Le mec était pas content parce que je l'ai bousculé, mais même pas exprès. Il était pas sympathique. En plein milieu du. Voilà, devant le groupe. Même un concert métal, il y a des. Tu l'as bousculé, l'autre il se retourne. Oh bah quand même, merde. Excuse, pardon. Enfin bref. Il y a la gauche, hein, si tu veux. Non mais du coup. Bon, par contre, moi, j'avoue, moi, on m'a bousculé plus d'une fois. À chaque fois, on me disait pardon. Enfin voilà. Voilà, non mais c'est. Bon, c'est rien. Mais c'est, voilà, c'est le truc donc. Ah, mais vrai, c'est cool quoi. Les mecs de la sécu, vous réceptionnez les gars. Il y a pas à discuter quoi que ce soit. C'est le taf. Tu récupères le gars, tu le fais descendre et ça te fait chier. Je comprends, mais c'est comme ça. C'est tout. C'est après, si c'est les ordres du staff et tout ça, si c'est les ordres du groupe, si c'est les ordres de la salle, bah. C'est pas votre faute, je m'excuse contre vous, mais le problème c'est que le mec de la sécu faisait tellement la gueule que j'avais vraiment l'impression que ça venait de lui quoi. Ouais. Voilà, c'était. C'est possible aussi. Hein. C'était mon petit coup de gueule. Ouais. Je me reste là. N'empêche, c'était cool de te rencontrer, Nico. Pac, pac. Je tape sur la poitrine côté cœur. C'est pour. Ouais, respect, voilà. Représente. Éternel et compagnie. Ouais. Voilà, donc c'est un petit peu tout pour les reports. D'autres choses. On n'a pas beaucoup vu Rouen. C'était pas ouf. Bon, c'est pas. Voilà. Ouais. Mais le Rouennais. Le parking est sympa. Le parking est sympa et le Rouennais est agréable. Voilà. Bah, on l'a entendu, hein, ça, ça toute la soirée. Ah, ça, toute la soirée. Hein. Ah, le Rouennais est sympa, le Rouennais est agréable. Ça, c'est des mecs qui sont jamais venus par ici, hein, sinon ils seraient. C'est vrai. Mais ils seraient surpris. Au plus haut point, c'est. Est-ce que nous passerions-nous pas à la partie chronique? Parce que ça fait déjà trois quarts d'heure qu'on enregistre. Parce que. Ah oui! Ah! Attention! C'est vrai! Allez, préparation! Faut que tu la fasses! Ah bah t'es obligé! Je le fais? Ah ouais? Bah, on a plus rien à perdre, tu sais! De toute façon, c'est vrai que personne. Trois quarts d'heure. Je pensais pas que t'en serais capable, mais alors, tu vas le faire. C'est, désolé, hein, c'est venu sur le parking en attendant. Machine aide. Entre la deuxième et la troisième bière. Ouais, entre la deuxième et la troisième bière. Chronique. Voilà. C'est ça. C'est pas dit qu'on le garde, c'est un test, on verra. Voilà, voilà. Du coup, je l'ai fait. C'est beau. Est-ce que tu veux commencer? Oui, pourquoi pas. Très très bien. Donc, cette semaine, nous avions 4 groupes. Et oui, car nous sommes passés à 4 groupes. Donc, moi, j'ai commencé par Parkway Drive. Et oui, car il avait Parkway Drive. Groupe de metalcore. Et oui, c'est un metalcore australien. J'ai même pas regardé où il passait. J'ai mal fait mon taf. Bah, Main Stage. Ah, c'est Wellfest. Très bien, je note. En Main Stage. Bah, ouais, je pense, ouais. Non, mais c'est sûr. Ouais, non, mais c'est attends, je pas. Mais non, c'est au Main Stage, c'est sûr. Ouais, c'est non, sûr. Mais oui. Bah... Je sais pas, j'ai noté, mais. Alors. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas grave, continue. Donc c'est bon? Oui, bah vas-y, on s'en fout. Non, mais moi je vous attends en fait. Mais t'attends qui? Ah, tu m'attends pas moi, hein, je crois pas. Donc, groupe de metalcore, donc on part toujours de Parkway Drive, hein, groupe de metalcore australien originaire de Byron Bay en Nouvelle-Galles du Sud. Formé en 2002, le groupe compte en 2015 5 albums. De 2002 à 2015, ils ont 5 albums. Sont pas foulés. C'est les mecs, ils, genre, je veux dire, ils bossent pas non plus des masses. Quoi. Mais, ils, sont mais ils ont un public. C'est vrai. Donc j'ai écouté Atlas, qui est sorti en 2012. Main Stage 2, le samedi 23. Mm-hmm. Ok. Hellfest 3018, n'importe quoi. Techniquement, ils vont passer à 1h du matin. Ok. Oh, tu me reçois? Je te reçois. Mon oxygène s'épuise. Ok, bah, termine ta chronique. Je sens que je ne vais pas boire. Ah, j'arriverai jamais à te relire, je suis dans la merde. Et en tant que je disais, j'ai écouté Atlas, donc sorti en 2012, Deep Blue sorti en 2010, et Killing with Smiles sorti en 2006, et Iron sorti en 2015. J'ai écouté 4 albums. En entier? Ouais. Putain, on va faire un tous les 3 semaines, c'est génial quand tu fais ça. Waouh! Alors forcément, ce que j'ai mis entre le premier et le dernier album, on sent qu'il y a un net changement, et en même temps, 10 ans qui s'écoule entre les deux, forcément, c'est obligé. Le premier album correspond vraiment à l'étiquette metalcore qu'on leur donne. Mm-hmm. Alors, c'est vraiment metalcore pur et dur. Et entre temps, moi j'ai trouvé Atlas et Deep Blue. J'ai écouté Atlas et Deep Blue, mais je sais plus trop ce qu'ils ont sorti parce que Bon, attends, ils sont sortis que 5 albums, donc j'en ai écouté 4. Donc il y en a un que j'ai. T'en as zappé un. Il y en a peut-être un qui n'était pas dispo. Quand ? Quand ? Avant-dernier, dernier, entre les deux, je ne sais pas. Alors du coup, voilà. Moi, de ce que j'ai écouté, c'était une espèce de death metal groove un peu plus... voilà, un peu à la Devil Driver, c'est dans l'esprit très, très péchu, très speed, très, très vénère. Donc complètement pas dans le metalcore de ce qu'ils ont fait au début. Donc on sent qu'il y a une évolution sur ce groupe vraiment quoi, des années... Et le dernier, Ayer, que j'ai écouté, qui est pour moi le plus posé, le moins bordélique, et je le trouve même un peu plus heavy que les... Ah si, j'ai senti des notes heavy vraiment dans l'album. Dès le premier morceau, tu le ressens. J'ai pas écouté le dernier. T'as pas écouté le dernier album ? Je crois pas. Eh ben écoute Ayer, tu vois. Que le single que j'avais écouté m'avait pas emballé du tout, j'ai fait pouh, je trouve ça un peu... Je retrouvais pas l'énergie en fait. Je sais pas que ça m'emballe ou pas, quoi, mais on m'a demandé de faire une chronique. Tu l'as fait comme tu peux. Non, non. Ok, c'est ça. Les deux albums que j'ai écoutés en fait, ils sont passés. Hein. Je les ai laissés filer parce que... T'as écouté les albums en entier ? Ouais, Atlas et Deep Blue, parce que je te remplaçais au passage. Et du coup, je les ai écoutés. D'accord. Et non, ils sont passés. Ça l'a fait. J'ai dit ouais, tu vois, avec des petites critiques un peu en me disant d'accord. Et le dernier, je l'ai fait en faisant ma chronique. Je l'ai écouté en faisant ma chronique. Et ouais, je me suis dit non, il y a des notes plus heavy et il est vraiment plus posé, quoi. Voilà. Ouais, du coup, un peu moins de folie, parce que je trouvais qu'il y avait une certaine folie, moi, dans leur début. Un peu moins, ouais, un peu moins ça de folie, dans un les peu sens, moins de speed, de brutal. J'ai pas écouté de... beaucoup, mais peu que j'ai... En fait, ce que j'aimais bien, parce que moi, j'aime bien Park Drive, en tout cas les premiers, et ce que j'aimais bien, c'était justement ce côté-là où tu sentais l'envie de tout envoyer, quoi, vraiment. Exactement ça, c'est vrai que tu le ressens Tu le vois, sur ça, le début. Premier, c'est sûr. Tu ressens ça, et c'est vachement agréable, parce que tu sens que les mecs sont dedans à fond, et que... Et du coup, plus ça avançait, moins je ressentais ça, j'étais moins emballé en fait. Et en fait, c'est l'évolution du groupe. Voilà, ils se sont sûrement, posés. Sûrement. Ouais. Voilà. Alors, en conclusion, si vous aimez Headbanger, Circle Pité et tout autre rite, machin, slam, et les tongs. Rituel, et les tongs. Oui, parce qu'ils jouent en tongs, il y en a qui jouent en tongs. Mm-hmm. Ça m'avait marqué ça. D'accord. Ouais. Celui qui fait la batterie ? Pourquoi pas ? Non, un guitariste. En fait, j'avais fait une phrase. Si vous aimez Headbanger, Circle Pité ou tout autre slam ou rituel tout aussi bizarre comme vous mettre une carotte de signalisation sur la tête, eh bien Parkway Drive est pour vous plaire. Comme quoi. Et as-tu vu ce qui s'est passé ? Il y a une petite news qui est sortie sur eux la semaine dernière. Parce qu'en fait, ils étaient en promotion. Je les vois souvent, Ils étaient en promotion à Paris la semaine dernière où il y a une quinzaine. Petite quinzaine. Et en fait, ils ont fait un concert surprise et les places ont été vendues en une heure ou deux à peine. Je vais dire, ils sont passés il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est ça, mais en fait, le concert était annoncé au dernier moment. C'était pas dans un encadré un peu Bordeaux ou je sais pas quoi. Ah, je sais pas, mais moi je l'ai su. Je vois ça assez régulièrement. Moi j'ai vu deux mails coup sur coup, en fait, tu sais, dans la fameuse liste de trucs que je reçois. Ouais. Et en fait, il y en avait un qui disait Parkway Drive en concert surprise ce soir. Et le deuxième, c'était déjà complet, tout ça. D'accord. Donc, plutôt cool. Donc c'est un groupe qui a son public et qui marche bien, quoi. Ouais, mais après, ça fonctionne, hein. Ah bah... Mais on voit vraiment, entre les albums, l'évolution, quoi. Enfin, l'évolution. Le changement. Je sais pas, le changement, ouais. Vraiment... je sais pas, pour les fans, si ils sont plus... j'imagine qu'il y a des fans de la première heure, comme il y a des fans de « Ah, j'aime bien maintenant », enfin, comme dans beaucoup de groupes qui sont... Voilà, qui ont un certain vécu, ça fait 10 ans. Donc voilà, après il y a une évolution ou pas. Et toi, t'as aimé quand même au final un peu ou pas ? J'ai aimé les deux albums que j'ai écoutés. Le premier, je l'ai trouvé un peu plus bordel et plus... après, peut-être à réécouter. Éventuellement, une nouvelle réécoute. Mais Atlas et Deep Blue, ouais, ça va. Ils sont passés... Je me suis pas dit, je vais zapper, machin. J'ai écouté tout d'un bout à l'autre et puis... Très bien. Voilà. Est-ce que tu recommandes ce groupe ? Oui. Il le recommande. Oui, parce que il y a une énergie. Puis les mecs font bien le taf, quoi. Donc voilà. Très bien. Parcimonie, veux-tu prendre le relais ? Ok. Alors moi j'avais Joan Jett and the Black Earth. Eh, hey, cru ce qu'on voulait pas. Bah, c'est le hasard. C'est, oui. C'est du rock'n'roll, donc des États-Unis. Elle passe en main stage 1 le vendredi 22 juin à 16h45. Elle joue 40 minutes, je crois. Alors, c'est, elle est connue, ouais, elle est connue pour un groupe ça. Qu'elle a repris, donc c'est I Love Rock'n'Roll. Et donc, c'est un groupe qu'elle a repris des Arrows. C'est un groupe qui date des 1900, de 1975. En 1980, elle a créé sa maison de disques Black Earth Records parce qu'elle avait du mal à en trouver une. Et donc, elle a fait 4 albums studio. Elle est aussi actrice et elle joue dans des films. Donc, elle touche un petit peu à tout, en fait. Et elle est vachement engagée pour la cause animale. Ouais. Voilà ce que je peux dire. Après, péta. Ouais, péta. Et donc, après, moi, j'ai qualifié ça de musique énergique. Je trouve que ça ressemble vachement au Ramones, au féminin. Mm-hmm. Ça m'a fait cet effet-là. Après, je dis pas que j'aime pas, mais je trouve que c'est un peu trop simple pour moi. Après, voilà, c'est pas méchant quand je dis simple, mais c'est tout le temps les mêmes riffs, c'est assez répétitif, et donc voilà. T'as écouté c'est beaucoup de trucs. Tu veux ça aussi. Bah ça dépend, mais en fait, elle n'a pas énormément d'albums. Il y a un dernier album qui est sorti, mais j'ai pas réussi à le trouver. Ouais, mais c'est beaucoup de morceaux repris en fait. Enfin, c'est des compiles en fait. Ah ouais. Il y avoir deux albums, je crois. Si je trouve. Bah, encore moins que les Parkway Drive. Ah bah purée. Les années 80, ouais. Elle a sorti 4 albums. C'est beaucoup de compiles et c'est souvent les mêmes rythmiques quand même quoi. Donc ouais, après, c'est mon ressenti. Mais c'est pas mal. Franchement, ça a de l'énergie et je pense que pour ceux qui aiment bouger et qui aiment. Pas tous les morceaux non plus. Non, voilà, mais je pense que ça met l'ambiance. Tu vois, les gens sont là, ils vont s'amuser et. 40 minutes, ça va le faire. C'est à 16 heures en plus. Oui, à 16 heures. Mais après, ouais, c'est pas ce que je préfère moi personnellement. D'accord. Voilà. Est-ce que tu recommandes? Pour ceux qui aiment bien, ouais, dans l'esprit Ramones au féminin. Pour les vieux. Ouais, je pense que ça peut bien passer. Nostalgique. D'accord. Les trucs gentils, enfin voilà, c'est pas méchant quand je dis ça, mais vraiment c'est. Non mais j'aime bien les trucs un peu qu'on voit un peu plus et donc du coup c'est vrai que ça me parle pas forcément mais je peux comprendre qu'on s'intéresse à ce genre de groupe aussi quoi. Très bien. Je comprends pas. C'est normal. Très bien. Voilà, ah, c'est bien. Bah écoutez, merci, c'était une bonne émission. Bonne soirée. On se retrouve pas. Il s'en va, mais il s'en va toujours. Faut que je fasse pipi. Ah mais le dis pas, il l'a pas dit. Bah je commence. Bah ouais, à toi. Ah je peux pas, il est parti. Pourquoi il est parti? Bah pour faire pipi. Bon bah ah oui, d'accord. T'as qui toi comme groupe? J'ai Cadavar. Oh génial. Écoute, c'est le hasard, moi je. C'est le hasard qui fait ça, hein, moi. Donc Cadavar, hein, qui passera sous la vallée le dimanche, aux alentours de 21h30. Bah, j'y serai. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le groupe. Non, je rigole. Cadavar est un groupe de rock allemand, slash stoner, slash psyché, originaire de Berlin et formé en 2010. Le groupe, inspiré notamment par Black Sabbath, Pentagram, O'Kine et Led Zeppelin, est souvent qualifié de rétro, tout comme leur code vestimentaire. Ouais. Source Wikipédia. Groupe formé par le batteur Christophe Tiger Bartelt, le guitariste Philippe Mammouth Lipitz et le chanteur-bassiste Christophe, lui aussi, Lupus Lindemann. Ce dernier décide de passer à la guitare, permettant à Lipitz de jouer à la basse, car la basse est un jeu. On ne joue pas de la basse, on joue à la basse. Leur première sortie sous forme de disque est un compact de 2 chansons auto-publiées. Si, c'est vrai, c'est ce qui est marqué. Mais je sais. Je crois qu'il n'y a pas de souci. Le 12 juillet 2012, premier album. Juillet 2013, Lipitz, le bassiste anciennement guitariste, quitte le groupe, remplacé par Simon Dragon Bouteloup, ancien membre du groupe metal The Out. Donc si on récapitule, Tiger, Lupus et Dragon forment Cadavar. D'accord. Deux clous de girofle, une dent de tigre, un poil de dragon et Abracadavar, second album, sort le 12 avril 2013. S'ensuit une tournée. C'est toi qui as écrit ça? Oui. Je sais pas trop. je tente des choses. Et un début non, mais c'est bien, c'est bien d'amitié avec le groupe Wolf Mother. Personne n'est parfait. Alors même jusqu'à aller enregistrer des trucs en studio avec eux. Wolf Mother. Ouais. Ceux qui chantaient Woman, yeah, bah, woman. Bah c'est des grands amis. Ah, oui, un album live pour 2014, parce que pourquoi pas. Et le 21 août 2015, c'est la sortie de Berlin. Un troisième album qui a pour particularité de contenir une reprise de la chanson Reich der Traum de Nico. De Nico qu'on connaît ? Non, je pense pas. Ah ouais. Bah sinon, je pourquoi pas. Mais bon, cet album, pas dégueu, atteint même la 18e place des charts en Allemagne, 40e en Belgique et également l'étagère de ce bon vieux Bob. C'est moi ? Et comme on n'arrête pas un groupe parti sur sa lancée, c'est tout naturellement que le 29 septembre de l'année passée, à savoir 2017, Rough Time, 4e album du Retro Band, est venu garnir nos petites esgourdes. Cadavar, groupe vintage assumé, assure que ce soit sur disque ou en live, un hard rock aussi stoner que psyché, et leur côté nous rétro nous donne toujours l'impression de connaître leur musique avec la joie que nous procure ce sentiment que nous appelons la nostalgie. Un moment, une odeur, un goût qui nous rappelle à des souvenirs et qui nous met aussitôt en joie. Est-ce que c'est comme je termine le truc en... C'est la fameuse 35 minutes Non. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Oh la vache. Voilà. Alors, t'es bien ? C'était très bien. Ah, bah, c'est... C'était très bien, mais je veux dire, faut qu'on se sépare maintenant. Pourquoi ? Non ! Bah, c'était une chronique. Bon, ouais. Bah, la chronique de... Bah, du coup, j'ai bien aimé. Je sais pas si j'ai... Ouais, non, du coup, c'est ça. Ouais. Du coup, t'aimes bien Cadavar ? Bah, c'est pour ça que je t'assure que ce soit sur disque. Ouais, c'est ça. Donc, non, si, j'ai beaucoup aimé. C'est un groupe que tu m'avais fait découvrir, d'abord en disque, et après que je t'avais accompagné voir... C'est tellement... En fait, un bon groupe, c'est que même les photos que j'ai prises cette année-là, c'est mes meilleures photos, c'était de ce groupe-là, alors que j'étais au milieu de la vallée. Quoi. De la Donc, non, franchement, c'est un très bon groupe que je recommande à toutes et à toutes. Et c'est vrai que sur scène, ouais, ils sont énergiques, ils paraissent pas comme ça. C'est pour ça. Quoi, les mecs, t'as pas entendu, mais sur Wikipédia, ils sont... souvent qualifiés de rétro, tout comme leur code vestimentaire. Ah oui, totalement. Donc c'est, ouais, bah c'est, clair, ouais. C'est ça, bah c'est pour ouais, ça. Avec les cheveux ça. Longs et tout, c'est très 70s, quoi. Même 60s, je dirais. Mais ce qui est marrant en même temps, c'est que si on se dit que leurs surnoms sont Tiger, Lupus et Dragon. Ça, c'est... Ouais. Voilà. C'est vrai. À toi. Ah, c'est à moi. Bah oui, faut pas tout. Donc moi, ensuite, j'avais Arkona. Hey. À ne pas confondre avec Hakuna. Matata, bien entendu. Voilà. Si, y a pas, mais en fait, faudrait que tu la refasses, mais avec le chant, parce que sinon ça marche pas. Hakuna Matata. Mais non. Ah oui, d'accord. Ah oui, il faudrait que derrière je. Bah, non, j'ai pas le temps. Du coup, ça passe où ? Ça passe où ? ça passe où ? Arkona, je sais pas, j'ai pas vérifié. Eh ben, tu dirais quoi ? Temple. Comme ça, Arkona, je dirais. Oui, Temple. À quelle heure ? Ah, parce que moi, tu vois, je suis resté rétro, moi, quand même. J'aime bien ce style. Non, mais imagine si je te dis ça. Non, je te chute pas. Si je te dis ça, il y a peut-être une raison. Tu me mettrais à quelle heure, toi ? Arkona ? Non, si je te le demande, toi, tu me mettrais à quelle heure ? Moi, je le mettrais à l'heure du goûter. Non, là, 18h. À 18h. 18h35. Oui, t'as, moi, je finis à 17h, donc le temps de rentrer, je goûte à 18h, mec. Mais tu dis toujours 18h mais pour oui, tous les tout groupes. Mais oui, c'est 18h. Moi, je me rappelle. Mais oui, c'était ça. Mais même parcimonieux. Je sais. Tu dis toujours. Donc, Arkona, tu dis sous le temple, d'accord ? Tu dirais à quelle heure ? À 18h. Oh, mais 18h35, bravo. Oh, et il passe bon, samedi. Non. Samedi ! Samedi, oui, en plus. Samedi ! Samedi, voilà. C'est tout ce que tu avais à dire ? C'est très bien, moi ça me va. C'était très bien. Ah oui ? Toi aussi, t'as bien aimé ? Je sais pas. Je peux préciser quand même un petit peu ce que c'est ? Ah oui, tu peux. J'ai envie de faire, histoire de dire que c'est du pagan, folk, metal. Très bien. Enfin maintenant, oui. Russe. Oh, ils sont russes ? Très bien. Paroles inspirées du folklore russe et de la mythologie slave, fondée en 1492 par sorcière des mecs. Non, ça aurait été drôle. Fondeur en 2002 et engagé depuis 2008 avec Napalm Records. Hey, mais ils prennent tout le monde, ces mecs-là. Ouais, c'est clair. C'est un peu. Pas trop loin. Il y a 9 albums studio, quand même. C'est énorme. Non, mais les mecs, ils arrêtent. Boss, mais alors, ah, ça, c'est. Ouais, jusqu'à l'été 2003, le groupe donne quelques concerts locaux dans son petit bled, je ne sais pas trop. Mais plusieurs membres du groupe perdent tout intérêt pour le groupe. Et en septembre 2003, Split. Ils split. Le groupe Arkona disparaît. Mince. Comme ça ? Comme ça. Like a fire in the wind. Exactement. Écoutez une bonne partie du dernier album, Cram, et pareil du premier, Old Set Cam Canebou. Très bien. Ça m'a épuisé. Ah bah D'accord. Et t'as bien aimé ce que t'as écouté de tout ça ? Non. Clairement pas ? Disons que c'est. Ah. C'est trop. Déjà, rien que le premier morceau de Cram. Mmh. Bah, ça porte son nom. Hein, ça... C'est crame. Ça crame le truc. Ça crame un peu, ouais. Ouais, totalement. T'as l'impression d'écouter une partie de l'exorciste où la petite fille. Ah, c'est celui-là où ça. D'accord. Okay. Ah, d'accord, moi j'ai, ouais. j'ai pas vu ça. Mais... Voilà. T'as peut-être pas écouté le même. Et le premier album, son nom, ton premier et le dernier album, j'ai voulu voir la différence de l'évolution parce que j'allais pas me taper 9 albums non plus. Je suis pas déglingo. Pas comme toi, hein. Mais Jacques. Suffocation. Voilà, mais le premier album c'est tout petit mignon les moineaux avec les petits lapinous qui dansent dans la prairie. Bah attends, mais je crois que c'est pas Cram le premier album. Bah oui, du coup c'est pas Cram le premier alors. Non, Cram c'est le dernier album. Oh, bah, c'est le dernier, t'as d'accord. T'as dit de la merde alors. Avec l'exorciste, ouais, et il commence avec des trucs tout mignons. T'as dit de la merde alors. Ah bah je crois, parce que vous, alors on t'a mal compris. On a mal compris, ouais. Non, je pense que vous avez mal compris. Mais il y a des chances, ouais. Il y a des chances. C'est possible. Non, il y a complètement des chances, ouais. Bah oui. Oui, j'ai dit le dernier album, Cram. Non, c'est sûrement très très bien, très très bien. Partie du dernier album, Cram, et c'est pareil, du premier, Old Set Cam, Canebou. Donc ça part du... Donc c'est des petites fleurs aux oiseaux avant d'arriver vers l'exorciste. Voilà. Très bien. Sur le dernier album. Bah, ils ont quand même mis 9 albums à atteindre. Ah mais justement, il y a peut-être une espèce de marge de progression qu'on a... C'est peut-être ça, mais j'ai pas écouté. Et moi, de ce que j'en ai écouté, bah, ça m'a emmerdé. Alors, du coup, je ne sais pas. Non, c'est mort. Mais j'ai essayé, au moins. C'est beau. Non. J'espère que je toucherai mon chèque quand même. Bah. T'as écouté 2 albums, donc il y a eu 9 albums, donc il faut faire un ratio. Ah bah, ça va dépendre de. Ça va dépendre d'un certain groupe. Ok. De ce que j'ai moi ? Ouais. Ah. Le prochain ou... Bah, je sais pas, c'est lequel le prochain que t'as. Ah non, t'as écouté un peu plus le dernier, c'est bien. Parce que normalement, t'avais dit que tu l'écouterais pas celui-là. Enfin, tu l'as pas dit, tu m'as dit, tu m'en voudras pas. Voilà ce que tu m'avais dit. Celui-là ? Non, l'autre. Celui-là ? Ouais. Ah oui, d'accord. Mais si, j'ai écouté ça. Ah bon ? Bah, on l'avait déjà écouté dans la voiture et t'avais dit. Ah, ah ouais. Ouais. Tu te souviens pas ? Non. Bah d'accord. Donc c'est tout ce que t'as à dire sur Arkona ? Sur Arkona, oui. Alors j'imagine que forcément il y a des femmes. Donc tu recommandes ? C'est pareil, t'as pas dit que c'était un chant féminin ? C'est un chant féminin tout le temps ou pas ? Il a parlé de filles. La nénette, enfin je veux dire, c'est la nénette, c'est vraiment le centre. Mais il y a plus qu'elle de toute manière, non ? Elle est toute seule. Bah, oui, en fait, elle a été recherchée de, des gens. D'autres personnes. Pour dire, je sais pas trop. Il y a une question qu'on aurait dû commencer à poser. Par exemple, je vous fais une espèce d'aparté, mais Parkway Drive, est-ce que tu irais les voir ? Parkway Drive, s'il n'y a rien, je pense que je pourrais aller jeter un œil pour l'énergie. D'accord. Ouais. Pas William, hein ? Non. Pas Pac-Man. William Lémergie, Pac-Man, vous l'avez pas ? Non. Sérieux ? C'est lui qui a fait la chanson et qui chante. Oh putain, oui. Bah oui, quand même. Oui, ah si, c'est lui qui a fait le générique. Rond comme un ballon. C'est William Lémergie. Non, désolé, je le vois pas. Ça, c'est pour ça qu'il faut pas qu'on aille mais en nous on arrive à gérer. Non, oui, mais oui, vous comprenez, mais il y a un moment. Moi, je me sens jugé. Non, pas du tout jugé. Je me sens jugé. Non, mais justement, je me sens vachement de côté, en fait. Je me dis merde, mais je connais pas tout ça. Après, t'as le droit de parler de culture, c'est pas grave. Donc. Non, elle est trop jeune. Et toi, Joanne Jett, t'irais les voir ou pas ? 2-3 morceaux éventuellement, mais après je passerai pas forcément 40 minutes à le regarder. Enfin voilà. D'accord. S'il y a autre chose, oui. Je passe à côté. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Mmh. Tiens, je vais des chiottes au bar. Pour moi, Cadavar, il y a des grandes chances que j'aille les voir. Hein. Bah, je pense que c'est Cadavar. Admettons. Ouais, ouais, ouais. Et Arkona, est-ce que tu irais les voir? Alors, pour la curiosité, non. D'accord. Ça, je m'attendais à ce qu'ils disent oui en plus. D'accord. Acteur, mec. Mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et est-ce que tu recommandes? C'est quoi cette question de merde? Mais c'est celle qu'on doit poser. Ah, c'est, est-ce que je recommande Arkona? Aux fans de l'exorciste, non? Même pas? Non, pas forcément, non. Je pense qu'il y a un public. Après, je te dis, j'ai pas écouté tous les albums, donc peut-être qu'il y a des trucs sympas. C'est vrai que j'ai vu une évolution un peu plus musicale, métal. Sur le premier album, j'ai écouté combien? 3-4 morceaux, je crois. J'ai dit, mais il est où le métal là-dedans? Il est où le c'est où les basses? Où... Bon, par contre, il y a des instruments, hein, c'est vraiment. Oui, ben je sais, moi j'ai vraiment eu l'impression d'écouter du folk pagan. Ah, totalement, c'est exactement ça. Mais après, par contre, il y a un mélange vraiment qui se fait. Alors, j'ai pas trop calculé le truc, l'évolution, quand elle s'est fait, sur quel album, quelle année. Mais t'as vraiment un moment où t'as des instruments classiques, basse, batterie, guitare, avec des instruments traditionnels qui se mélangent. Il y a vraiment un esprit pagan folk. Musicalement, c'est sympa, je trouve. Bah après, c'est mon point de vue, mais j'aime bien le pagan aussi. Mais le chant est spécial. Des chants féminins, lyriques. Toi, t'as bien aimé? Bah, en fait, ça m'a pas dérangé, mais ça m'a pas fait spécialement. Ça t'a pas donné envie d'aller le voir forcément? Non, non plus, okay. Non. Voilà. Donc la question était, est-ce que je recommanderais? Oui. Oui, je recommanderais. Moi, je ne serais pas bon vendeur, donc je recommanderais d'aller voir quelqu'un qui aime et qui peut le vendre correctement. D'accord. Pour qu'il puisse lui le recommander. Donc tu recommandes par... Par l'intermédiaire de quelqu'un qui... Voilà, c'est qui ce serait, que... j'allais dire par intérim, mais... Par chat, éventuellement. D'accord, par intermédiaire, je note. Très bien. Alors, parcimonie. Un suivi. Ouais. Alors moi j'avais Megadeth. Waouh, la chance. Très bon groupe de c'est un groupe de Big Four. C'est un groupe de Big Four. Trash metal États-Unis. Exactement. Ils jouent le dimanche de la Bay Arena de San Francisco. Excusez-moi d'être 18h25 jusqu'à 19h25 en main stage 1. Et donc c'est un groupe originaire. Tu m'as grillé en train de kiffer le moment. Ils viennent de Los Angeles. Ils sont formés en 1983 par ils se forment en 1983 par le guitariste Dave Mustaine, si je le dis bien, et le bassiste David Elefton. C'est ça. Peu de temps après le renvoi de Mustaine du groupe Metallica. Je connais pas. Dans les années 90, l'album Rust in Peace leur apporte la popularité. Ils ont 15 albums studio. Ils ont vachement d'albums. Donc le dernier, c'est Dystopia. Il est sorti en 2016. Alors j'ai trouvé ça très énergique, assez répétitif pour moi. Et après, c'est vraiment fait pour les fans de Metatrash. Voilà, c'est vraiment, enfin je pense... Et Kerry King a été le guitariste pour le groupe en 1983 jusqu'à 84. De 83 à 84. Chris Adler, pour l'info. Batteur par intérim. En 2016. Mais honnêtement, 2016, je connais pas du tout Megadeth. Je connais quelques morceaux, donc je peux vraiment pas en parler avec objectivité. Bah, pourquoi t'en as pas écouté? J'en ai écouté un petit peu, mais je connais pas suffisamment pour vraiment avoir. Quand même. Bah oui, quand même. Mais voilà. J'ai pas d'avis objectif. Vraiment. Bah pourquoi? Il en avait un, lui. T'as un avis objectif? Megadeth? Tu peux couper le vibreur de ton téléphone. C'est ce que j'ai fait. C'est comme au cinéma, en fait, ici. Ou tu reçois pas de message. Un avis sur Megadeth? Ouais. Je connais pas ça. Alors, malheureusement, je suis resté un petit peu sur la prestation qui nous a fait... En 2016. Je le voyais, mais alors fatigué, hein, pour Dave. Il était vraiment au bout du rouleau. Hein. Je veux dire, c'est limite, c'est le micro qui tenait le gaillard quand même. Hein. Mais c'est pas faux. Voilà. Faut quand même noter qu'il y a eu un moment donné où le groupe a été arrêté. Ouais, ça c'est vrai. Je l'ai noté, je l'ai pas écrit parce qu'il y a eu beaucoup d'endroits, de moments où il s'arrêtait. Tu l'as noté mais pas écrit. Je l'ai noté. Tu peux le noter mais pas écrire. Ah d'accord, c'est. D'accord. Ouais. Information je l'ai noté dans mon non mais si je l'ai noté dans mon crâne, mais il y a eu plusieurs moments où il s'est arrêté. Ah non, c'est un seul moment où lui il était plus en état de le faire. D'accord, ok. Donc vraiment le groupe en fait était genre c'est fini. Et j'avais complètement zappé ce passage là parce que quand j'avais relu la bio j'avais fait mais ah oui c'est vrai là c'était fini. Et ils sont revenus plus forts que jamais pour après bon être d'accord. Un peu plus fatigué mais après ça reste. J'ai dû faire un stage chez Ozzy. Ouais. Donc en fait quand on l'a vu c'était pour l'album, le dernier album qu'il a fait en fait, donc oui. Du coup là il va ressortir plein de morceaux de tout ce qu'il a fait dans... peut-être oui. Enfin, après il est toujours en train à moitié de composer, il est quand même c'est un compositeur un peu qui n'arrête pas. Par contre je trouve que Megadeth a justement une patte et un son qu'on reconnaît tout de suite justement pour du thrash heavy. On reconnaît tout de suite, je veux dire, tu confonds pas Metallica et Megadeth. Ah non, je suis d'accord avec toi, ouais, complètement. Tu les reconnais tous, c'est ce que tu veux dire? Ouais. Bah ouais, oui, mais juste. Ah oui, oui. Oui, mais tu pourrais. Malheureusement, j'aurais tendance à dire que Slayer, des fois, je pourrais passer à côté. Hein, des fois. Je dirais pas que. Moi, je suis totalement passé à côté. Non, mais non, je veux dire, Metallica, tu pourrais me faire écouter un truc de Slayer que je connaîtrais pas, et je suis pas sûr de me dire, je pourrais, ça ressemble à du Slayer, mais je serais pas catégorique. Que Megadeth, je serais catégorique. Tu reconnaîtrais tout de suite la patte. Ah! Non, mais il y a un truc dans même dans la manière des riffs de Megadeth, la manière dont il a de le faire, je trouve que c'est, je parle même pas d'aller jusqu'à la voix du chanteur, mais il y a une manière de faire de sonner. Je connais pas assez Megadeth Vrai que j'ai écouté plusieurs morceaux et je trouve que le dernier album était peut-être moins chiant que les autres après, enfin de mon point de vue, hein. Ouais, j'en ai plein. J'en ai plusieurs, mais j'en ai écouté beaucoup, j'en ai deux trois de différents moments, mais il y a vraiment des, en fait il y a des périodes, il y a des plus et des moins cassés, c'est vraiment en dents de scie je trouve, quoi. Donc, et puis ça dépend peut-être des morceaux aussi, tout simplement. J'imagine que t'as des super bons morceaux sur un album et voilà. Symphony of Destruction c'est un des meilleurs, d'accord. Après t'as eu je dirais que cette partie est quand même plus intéressante et que la dernière est un peu moins. Moi genre sur le dernier album il y a que 2-3 morceaux, c'est le seul que je connais presque, enfin ouais c'est ça en fait. Ah mais il y en a des très très bons, faut après, mais faut fouiller, voilà c'est ça, faut prendre le temps d'écouter et exactement chercher. Et c'est ça justement. Bah oui. Au moins, c'est. Mais si, on y a cru et c'était bien. Ouais. Très bien. Est-ce que tu recommandes Pour les fans de trash, oui, carrément. Donc, tu te rappelles ce que tu as dit à la voiture? Ça serait bien de dire que les groupes que vous recommandez, tu vois. Et tu fais comme exactement d'habitude, tu recommandes comme Bob tous les groupes. Donc, oui, mais. Comment tu veux pas. Tu vas voir. Après, est-ce que tu irais voir? Oui, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. Ouais, ouais. Non. C'est, bah, non, c'est bah non. Enfin, tu peux pas, pour ma part, j'irai pas. Après, mais ça dépend ce qu'il y a à côté. Je peux pas me. Voilà. S'il y a rien d'autre à côté, oui, je vais aller voir. Mais après, s'il y a quelque chose d'autre que j'ai envie de voir absolument, je vais pas hésiter. Je vais aller voir. La même prestation qu'en 2016, quoi. Je lui dis, s'endormir sur son micro, quoi. Enfin, vraiment. Bah, c'est vrai, à ce point. Pas autant, je dirais. Quoi ? Il était fatigué, mais pas autant. Ah, il peut aller mieux cette année. Mais il va bien, attends, oh. Il y a une rythmique de ouf. Mitraillette. Après, c'est pas ce que je préfère, donc je pense que ouais, s'il y a autre chose à voir. Ah, merci. Et toi, tu y vas les voir? J'ai pas pensé à toi. Moi, je fais un peu partie des gens qui ont laissé Megadeth dans les années 90, parce que après, c'était peut-être plus trop la peine de. Je suis moins fan. Après, sur le dernier album, il y a quoi? J'ai 2-3 morceaux que j'ai bien aimés. Je suis pas emballé par le rêve, j'ai un peu l'impression que ça tourne en rond. Ouais, c'est pas surprenant. Non, et il y a des trucs que j'ai pas du tout aimé. Autant j'ai bien aimé la première version de À tout le monde, mais quand elle était sur l'album de base, je trouvais que ça passait bien. Autant voir une espèce de. Que le groupe fasse une reprise de lui-même en mettant juste la chanteuse de Lacuna Coil sur les refrains en français, ça. Ouais. En fait, c'est le genre de démarche qui me fait presque ne plus aimer un groupe, en fait. De me dire, pourquoi tu fais ça, quoi. Je comprends pas l'intérêt, quoi. Tu l'as déjà eu, l'heure de gloire, avec ce titre-là, donc pourquoi tu le refais juste en mettant une chanteuse sur les refrains? Ça a pas de... Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la chanson, c'est juste c'est le délire que je capte pas, et comme je suis un con, ce genre de délire, ça me coupe les pattes. Je te rejoins à ce niveau-là. Vous faisiez quoi, vous, en décembre 75? Le 25, pour être précis. Moi, je pense que je nageais tranquillement. Très bien. Voilà, je pense que j'étais dans une petite surface. Oh non, je pense que 5 ans avant, ou plus de 5 ans avant, tu nageais pas encore. Non, je n'étais pas encore. Parce que le 25 décembre 1975, plutôt que de déballer ses cadeaux, le jeune Steve Harris décide de former un petit groupe de heavy metal. Rejoint rapidement par son ami Dave Murray, ce petit groupe devient l'un des pionniers de la New Wave of British Heavy Metal qui influencera énormément la suite des choses dans ce qu'on appelle aujourd'hui le metal. Non. Si. Ce petit groupe qui a vendu près de 100 millions d'albums a su allier la mélodie à une certaine complexité et a sorti un nombre de tubes assez conséquents et les obligeant aujourd'hui à jouer dans des stades la plupart du temps. Oh, les pauvres. Je veux bien sûr parler de Iron Maiden. Alors, Harris, principal parolier du groupe, demeure avec Murray les deux seuls membres ayant contribué à tous les projets du groupe depuis sa création jusqu'à nos jours. Si, c'est vrai. C'est vrai. Formidable. Mais c'est quand même qu'on ait un bassiste, parolier et compositeur. C'est quand même... Quand tu écoutes Iron Maiden, tu ne dis pas que c'est le bassiste qui a tout fait, quand même. Ouais, surtout que les bassistes, en général... Ils font rien, ils sont pas là déjà. C'est comme les mecs au clavier. C'est ça, ça sert à rien. Ça sert à rien. Le nom du groupe, Iron Maiden, se réfère à un instrument de torture médiévale, la Vierge de Fer, qui est le pire endroit où se cacher lors d'une partie de cache-cache. Le groupe possède... Vous voyez ce que c'est ou pas, la Vierge de Fer? Sinon, vous comprenez pas la blague. Attends, si, c'est pas la... Ouais, je crois savoir, mais je suis pas sûr. Le cercueil avec des pointes à l'intérieur. Ouais, le truc de debout, ouais. Le truc à la verticale. C'est pour ça que je dis que c'est pas terrible pour ça. Ouais, bah comment c'était la comtesse Ségur ? Non. Non. Ah, je te redirai ça. D'accord. Le groupe possède également une mascotte, contrairement à ce podcast, Eddie the Head, qui se retrouve sur chacune des pochettes du groupe. Et qui marque la plus. Et qui a marqué la plupart de l'inconscient collectif comme l'un des symboles du métal que l'on retrouve partout dans les films, les séries ou sur les t-shirts de jeunes rebelles. Ouais, je balance. Vas-y, venez me chercher, le mec. Vous savez pas où je suis, moi. Je suis un dingue. Après le renvoi de... Fait amusant. Après le renvoi de Paul Di'Anno, chanteur de son état, pour divers excès et abus, le groupe le remplace par un certain Bruce Dickinson, à savoir un homme hyperactif. Parce que chanteur, compositeur, pilote de ligne, escrimeur, animateur de radio, un collègue donc, et directeur marketing britannique, qui n'a jamais le temps de s'arrêter et devient la signature vocale du groupe. Je le sais parce que moi j'ai réécouté le premier album où il y avait Paul Di'Anno et je suis « Ah oui, d'accord !» J'avais l'impression d'avoir jamais entendu cette voix. Comme quoi, tout arrive. Ouais, ils n'ont rien à voir leur voix. Épuisé par les tournées, Clive Burr, alors batteur de son état, quitte le navire en 1982, remplacé par un certain Nico McBrain qui venait d'enregistrer Marche ou Crève avec un certain groupe du nom de Trust. Ah ouais. Fait amusant, Clive Burr a rejoint Trust. Les deux groupes ont switché de batteur. Ah ouais. C'est amusant. D'ailleurs, les changements de line-up ont parsemé la carrière du groupe à tel point que certaines arrivées n'ont pas provoqué de départ et aujourd'hui, c'est l'un des rares groupes pouvant se vanter d'avoir trois guitaristes. Trois guitaristes. Ah ouais. Ça choque personne. S'ensuit des concerts pleins, des tournées beaucoup trop, des albums 16, des lives, des livres, des produits dérivés et un statut de groupe légendaire. Il rentre facilement dans la case des groupes que tout le monde connaît. De mon côté, Iron Maiden, c'est un groupe que j'aime beaucoup de par la mélodie de ses compositions où je trouve toujours des riffs intéressants et des passages très mélodiques que j'ai aimé travailler à la guitare. J'ai lu qu'il y a parfois quelques moments progressifs dans le groupe et je suis assez d'accord. Sans être un fan hardcore du groupe, ça tombe bien, c'est du heavy. Et même si je suis toujours content de retomber sur des classiques, je trouve parfois... Je te laisse bien dans ta merde. Et même si je suis toujours content de retomber sur des classiques, je trouve parfois que sur CD, il manque un petit truc. Et même si le groupe, depuis 2-3 albums, ne m'a pas méga subjugué, ça reste un groupe important et surtout qui prend toute sa dimension en live, là où les compos s'envolent et légèrement accélérés font preuve d'une nouvelle énergie et le groupe se donne à fond encore aujourd'hui. Fait amusant. C'est vrai que ça, on peut pas leur retirer. Je suis d'accord. Fait amusant, Charlotte, une prostituée de 40 ans qui revient dans 4 chansons. Charlotte de Harlotte, 22 Acacia Avenue, Hooks In et From Here to Eternity existent vraiment. Elle aurait exercé son métier dans le quartier où a grandi Dave Murray. Voilà. Et quand même. Du coup, on aurait appelé Manon. Je ne pouvais pas savoir. Du coup, Iron Maiden, je recommande parce qu'en live, ça vaut toujours le détour. Et je n'ai jamais entendu personne qui a vu Iron Maiden en live dire « C'était vraiment trop pourri !» Je comprends tous les gens qui disent ouais, sur CD ça m'ennuie, ce que tu dis souvent, tu dis que ça manque d'énergie, toi, et ouais, ça, je comprends tout à fait. Mais en live, ça déboîte toujours, et putain, mais vous, ils se donnent à fond, les mecs, même trop, des fois. Alors, par contre, oui, je pense que si j'ai l'occasion. Je suis d'accord, je le dis aussi, ouais, je veux bien aller le voir. La dernière fois, je suis pas un fan d'Iron Maiden, mais si j'ai l'occasion de pouvoir le voir, j'irai. Parce que. Bah, pour faire vraiment une opinion, puis bah, c'est vrai que sur scène. Bah ouais. Sur scène, c'est. Voilà, quoi. Non, puis il y a vraiment des trucs, des morceaux épiques qui prennent tout leur truc. C'est non, mais totalement. Hein. Je suis vraiment là. Je suis d'accord. Je peux pas renier ça. Parce que voilà, sur Iron Maiden. Mais je suis pas fan. Non, je sais, mais je comprends ça. Je peux comprendre. J'arrive pas, mais je sais que sur scène, si j'avais l'occasion de voir, pour peut-être, éventuellement, après. Apprécier davantage, parce que justement, c'était différent sur scène. Oui, peut-être qu'il y a peut-être des trucs. Mais après, malgré les trucs que j'aime, chaque fois que j'écoute un album, j'ai toujours tendance à me dire, ah, c'est un peu mollasson. Mais il y a qu'à voir, comme on en écoutait l'autre jour, la reprise de Machine Head, elle était en mode un peu plus vivante, un peu plus accélérée, mais ça reste le même morceau quand même. Ouais. Donc, tu vois. Parce qu'ils ont vraiment des côtés, je trouve qu'ils ont des riffs et des mélodies classe, parce que c'est vraiment un groupe que quand j'écoutais, je me dis putain, j'ai envie de le jouer à la guitare parce que ça sonne bien, quoi. Ça, c'est pas tous les groupes, des fois t'as envie de jouer un truc parce que c'est énergique ou que ça sonne bien, mais là c'était un ensemble où j'avais envie de faire sonner comme ça, faire la même mélodie. Ouais. C'est hyper mélodique, quoi. Voilà. Donc je recommande. Voilà. Ok. Bah oui. Merci. Non, puis bon, ça bouge, quoi. Ouais. Il reste pas statique sur scène, quoi. Ah non, non. Et ils ont trois guitaristes, ça je l'ai déjà dit. Ils ont trois guitaristes ? Ouais. Ils se partagent les solos. Chacun les leurs, avec des styles différents. Malade, les mecs, mais c'est un peu. Moi je trouve. Trois guitaristes. Mais c'est parce que t'imagines, d'habitude il y en a deux. Un. Ouais, voire un. Voire un, bah là trois. Voire même pas, quoi, des fois. Mais ça arrive. Mais t'imagines quand même, c'est quand même le groupe où il y a un moment donné, il y a un mec qui a dit bon bah voilà, je veux revenir dans le groupe. Bah, on est déjà deux, tu comprends ? Ouais, et. Ouais, non, c'est pas. Bah viens. On a une place dans l'avion, de toute manière c'est Bruce qui pilote, donc vas-y. On n'est pas à ça après, c'est pas une c'est guitare ça. De plus. C'est vrai, c'est tu vois, ça fait un peu un truc. C'est classe. Puis au niveau de la composition, bon, au niveau des solos, bah, je sais pas, vous nous réservez 3-4 minutes dans le morceau, ouais, pas de problème, parce que bon, bah, 3 solos quand même, ça prend du temps. C'est clair. Donc voilà, c'est tout. Bah, c'est en même temps, il y a un début, milieu, fin. C'est ça. Bah, non, mais ça. C'est plus compliqué que ça, après il y a d'autres histoires de sur comment les membres sont arrivés, tout ça, mais pff, c'était oui, mais faut lire le bouquin, c'est ça, c'était très très long comme truc déjà, je vous en prie. à toi Bob, c'est à moi. Ouais, oh, déjà comme le temps passe vite, mais oui, ah là là, je suis subjugué. Pff, c'est 1h30 de podcast, ça passe vite. Donc moi j'avais PCC. PCC. Ah oui, bah, je vous disais, il m'en manquait un, je l'avais pas celui-là. Est-ce qu'on peut le dire ou... Ah bah oui, ouais. Cocorico. Voilà. T'aurais pu le dire par simonie, ouais. Quand même. Oui, c'est vrai. C'est, bah, je sais pas, enfin. T'es... Allez, pardon. On peut le dire, ouais. Cocorico. C'est un... une petite partie féminine, ça, tout de suite, ça donne un certain charme. C'est vrai. Donc, PCCC. Voilà. Très bien. C'est tout. C'est tout. Alors, c'est Pogo Car Crash Control. Qui est un peu le meilleur nom de groupe du monde, je trouve. Moi. Tu vois ? Ah ouais. Ça envoie, je trouve. Pogo Car Crash Control. Moi, pour moi, ça, c'est un truc, c'est du putain de hardcore de dingue qui va arriver, il va te péter des dents, quoi. Ok, d'accord. On sent que c'est virulent. Ça, attends, et Pogo Car Crash Control. Imagine, en fait, des voitures, qui, ouais. Des voitures de Crash Control qui font un Pogo, quoi. Carrément. Donc, ça envoie du lourd, quoi. C'est vrai. Faut que le groupe sur scène, il arrive à motiver des bagnoles, quoi. C'est un truc de dingue. Ouais. C'est pas évident. Perdu. Je sais plus quoi faire. Alors, entre la métallurgie et la musique. Le meilleur nom de groupe. Donc voilà. C'est un groupe que j'aurais du mal un petit peu à situer, à nommer. À... Ah bah pour t'aider à la situer, c'est en Warzone, dimanche à 11h05. Attends, j'essaye de. J'arrive pas. il essaye d'agrandir son cahier, en fait. C'est bon. Comme si c'était un smartphone. Donc, il se croit marrant, tout ça. Bah, ça rigole. Il est con, ouais, surtout. Parcimonie, elle rigole, mais de gêne. Il est con. De gêne. Oui. Je me dis ça. Non. Ah, qu'est-ce que... Mais tu peux pas faire ça. Vous êtes en train de me perdre. On est filmé, mec. Oh la vache. Tant mieux. Ah bah oui, du coup. Alors. Alors donc la bio que j'ai lue de ces petits jeunes, parce que ils ont tous la vingtaine apparemment. Ça va être un premier album des Primo Style le 23 mars. Alors il y a pas l'année. Pas mal. Bah, c'est pas besoin de toute manière. Non, forcément. Alors, pour la bio, c'est une grosse énergie accumulée, gerbée sur un micro. Leur son, à la fois criard et bourré de larcène, laisse transparaître une sensibilité juvénile. Les textes en français traitent souvent de troubles égocentriques. Les membres du groupe sont au bord de l'agonie à chaque fin de concert. Grunge is not dead. Influence. Sum 41, Bébé Brune, Cannibal Corpse et Slayer. Oh. Le mix de ouf. Bah, c'est vrai que... C'est courageux en même temps. Franchement, c'est carrément vrai. C'est carrément ça. Alors, pour la partie Cannibal Corpse et Slayer, pas du tout. Hein, non. J'ai pas retrouvé du tout du Cannibal Corpse ou du Slayer. Dans ce non, mais fait. Bébé Brune et... Par contre, du Bébé Brune, oui, au niveau de la façon de chanter. Du Sum 41, non plus. Oh bah non. Moi, le peu que j'ai écouté, ça ressemble. En fait, le seul truc qu'on pourrait dire éventuellement, c'est influence Bébé Brune. Donc, c'est de la connerie, quoi. Juste, ils ont voulu balancer un truc pour rester dans leur délire. En fait, leur numéro de téléphone, c'est le 666. Ouais, voilà, c'est leur délire. C'est personne qui vous influence. Ils ont trois numéros. Même personne. Ah, tu les as dans la gueule, apparemment. C'est des vilains. Non, mais je comprends, dû à leur âge. Leur façon de procéder. Voilà. Mais après, musicalement, c'est assez étonnant parce que j'avais un a priori sur ce qu'ils faisaient. Parce que t'avais vu des clips. Non, en fait, j'ai commencé. Parce que t'avais pas vu de clips. Ah oui, si. Ah, oui, merci, morceau, voilà, bon, bon, c'est pour ça. Le ce que tu m'avais dit. Ce que j'ai fait, c'est aller voir sur la fameuse chaîne avec le triangle blanc dans la partie rouge qui se nomme YouTube. Ah oui, je l'avais pas non plus, mais oui. C'est ça. C'est comme ça qu'on dit. Hein. Et j'avais été voir. Merde, c'est quoi Laisse-moi tout seul. Laisse-moi tout seul, je sais plus. Ouais, tu me l'as chanté tout à l'heure. Lâche-moi et laisse-moi tout seul, je sais pas quoi. Enfin, c'est pas très grave. Hein. Tu veux un conseil. Ou tu veux un conseil, je sais plus quoi. Et j'ai trouvé ça, mais alors. Atroce, vraiment atroce quoi. Limite répulsif quoi. Et j'ai écouté. D'un refrain à l'autre, et je suis ok, c'est bon, c'est pas du tout pour moi. Quoi. Et en écoutant leur album, bah, bizarrement, l'énergie est vraiment là. Et je sais pas trop où ils vont jouer, je crois que c'est en Warzone. Ouais. Et je pense bonne heure que, de matin. Ils ont, 11h. Ils 11h, ont, ouais. Ils ont leur place en Warzone. Et, j'ai été agréablement surpris par leur album, juste à l'écoute. Il faut vraiment définitivement arrêter de faire des clips. Hein, quand on... Non, faut arrêter d'aller voir des clips. Après, ils peuvent en faire, mais il ne faut pas aller les voir. Oui, ils peuvent en faire. Ce que je veux dire, c'est que c'est vachement. C'est ce que je t'ai déjà dit, en fait. Le fait d'écouter un clip avant de voir un groupe, ça te donne une image déjà qui est faussée. Ouais, parce que le visuel va transcender ton oreille et tu vas même plus entendre. Non, mais tu vas être plus basé sur le visuel. Bah, toujours, c'est toujours plus facile. Malheureusement, c'est ça. Et en fait, en écoutant sur le fameux site où tu peux. YouTube, et c'est bon, arrête de. Non, là, c'est le. Ah, l'autre, Spotify. Et oui, parce que maintenant, t'as un compte. Ouais. C'est stylé. Ah, grave. Ouais, non, voilà. Ça va changer ta vie. Hein. Oublie pas de prendre un casque hein, demain. Mmh. Je crois que c'était fourni avec. Et donc, vraiment non, agréablement surpris parce que musicalement c'est ultra. Ça se tient. Riche. Enfin, je trouve. Non, j'ai bien aimé ce que j'ai écouté. Dans le sens plus découverte, à me dire parce que justement j'avais cet a priori sur eux de base. En fait, non, c'est pas si pourri que ça, quoi. Ça va, quoi. Ok, les mères, les mecs, les gars, parce que si j'ai bien compris, il y a une gonzesse dans le truc. C'est possible. D'après un des prénoms. C'est peut-être faux. Voilà, on n'a pas de dossier de presse. Non, on n'a pas de dossier de presse. Et donc, voilà, mais non, de ce que j'ai écouté, bah, ça se tient. D'accord. C'est une bonne énergie, les gamins sont... Alors, le seul petit problème, c'est que dans toutes les références, la seule que tu gardes, c'est Bébé Brune, et que du coup, tu dis que ça se tient, donc c'est un peu... Bah non, parce qu'en fait, ça n'a rien à voir du tout avec Cannibal Corpse, Slayer ou Sum 41, t'as pas de punk rock... Oui, mais t'as retenu, donc il n'y a plus que Bébé Brune, et toi, tu dis que ça se tient, donc... Non, non, au niveau des guitares. Ah, mais d'accord, mais t'as le droit. Il y a certaines guitares sur certains morceaux, oui, t'as vraiment l'impression d'écouter du rock'n'roll français. D'accord. Des années... Bah, tu sais, ton français, c'est ça ? Je me trompe pas. Ils chantent en français tout le temps. Ils chantent tout en français, ils sont parisiens, je crois. Mais voilà, c'est des rototos. Non, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de soucis. C'est... Mais non, Cannibal Corpse, Slayer, Sum 41, ça n'a rien à voir. Mais je me suis dit, moi, personnellement, dans mon petit fort intérieur, ah ouais, ça ressemble plus à du Bébé Brune. Ouais. C'est vraiment le truc, voilà, c'est la critique. Facile. Piquant. C'est ce que tu veux dire. Piquant. Voilà. Mais du coup. Mais au niveau des guitares, oui. Voilà. Par contre, au niveau de l'énergie, non. Franchement, j'ai plus eu l'impression d'avoir un groupe de hardcore grind metal, vraiment un truc bien énervé, excité. Et voilà, je pense que oui, s'ils jouent sur scène comme ce que j'ai entendu moi, oui, je pense qu'ils peuvent être à l'agonie à la fin du concert. Ouais, d'accord. Ah ouais, mais ça t'a bien plu ou pas ? Est-ce que ça m'a bien plu ? Je dirais pas que ça m'a bien plu, mais j'ai été agréablement surpris dû à mon préjugé premier. D'accord. Je me suis dit, en fait, non. Voilà, ça t'a surpris un peu, non ? C'est ça ? Oui, ouais, ça m'a surpris. Ça, ouais. Je me suis dit, bah ouais, en fait, quoi, oui, pourquoi pas. Donc t'as écouté tout l'album ? J'ai dû. Alors, je sais. Ils ont qu'un album, c'est ça ? Ouais, ils ont un album. Donc, c'est pour savoir, en fait, est-ce que tu irais écouter ce que t'as pas écouté ou est-ce que. Alors, par contre, je serais assez curieux de les voir sur scène. D'accord, donc tu recommandes. Non, je recommande pas forcément. Mais juste pour faire chier Jack. C'est la curiosité en fait, puisque tu. Mais je serais assez curieux de voir sur scène, ouais. D'accord. Vraiment, pour voir ce que ça donne sur scène, tout simplement. Bah, ça va, 11h05, normalement, tu pourrais être réveillé à ce temps-là, potentiellement. Je t'emmerde. Tout de suite, tout de suite. Ah, bah oui, bah écoute. Mais tu prends ça comme une agression, mais pas du tout. Totalement. Mais que. C'était une remarque en passant. Ah non, non, c'est pas une remarque. Les gens savent pas. On était prêts. Les gens savent pas que c'était, ça pouvait être une vanne. Il y a que toi qui peux le savoir. Tu vois. Au niveau des gens, je reste le mec sympa qui dit oh bah il est cool, il pense à son pote. Que dalle, tu l'as dit dans la saison 1. Ouais, le bon, le machin. Ça me fait penser à 11h30. Mais c'est possible. Je l'ai vu, déjà. Pas cette année, pas en 2017. On est d'accord. Merci. Ça me rappelle Joe qui me présente à des gens que je ne connais pas. Il me présente en disant que je suis un arnaqueur. Un escroc ? Oui. D'accord. Ça fait plaisir. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Sacré Joe. Ouais, t'as une bonne fréquentation. C'est assez dur. Très bien. Donc, c'est tout ce que tu as à dire sur Pogo Crash Control ? Je sais plus trop ce que j'ai dit, mais ouais, je pense. Ouais. Du coup, il n'y a pas du tout de voiture, en fait. Non, mais je pense que c'est plus le... Ah, faut écouter. Et je pense que oui... Attends, j'ai posé... Parcimonie, est-ce que tu pourrais arrêter de taper dans la table, s'il te plaît ? Ça marche, j'essaye de faire gaffe. Vas-y. Merci. Fais attention. Tendu. Donc tu disais, tu ne te souviens plus trop ce que tu as dit, mais que c'était très bien quand même. Mais ouais, non, musicalement, ouais, je pense que ça peut se rapprocher éventuellement. Ça peut se rapprocher d'un Destruction Derby. Ah, bah c'est bon, c'est validé. Validé. Un des premiers jeux de la PlayStation 1, quand même. Bah oui, c'est pour ça. Très très bien. Recommandé par PlayStation Magazine. Oh, le mec, il est parfait. Alors, parcimonie. Oh là là, parcimonie, elle avait. Eh ben, j'avais Nightwish. Oh bah mince! Oh là là! Comment ça se fait? Oh bah, Nightwish, j'ai eu un peu de mal en fait, j'avoue. Bah, je peux te comprendre, hein. Moi je pense que j'aurais payé pour pas écouter. J'ai vraiment pas écrit grand chose, franchement, c'est clair. Franchement. Donc, c'est du métal symphonique finlandais. T'es sûr? Oui. Ça, je sais, c'est sûr. Ça passe dimanche 24 juin à 23h50 sur la main stage. Je serai couché. Alors, ils se sont formés en 96. Alors, après, il y a eu beaucoup de changements. J'ai pas noté tous les changements parce qu'honnêtement, je serais incapable de donner les noms. Vu qu'ils sont finlandais, j'aurais pas su les prononcer. Mais ben, pourquoi t'essayes ? Attends. Racisme de base. Ben, faut essayer. Non, mais franchement, c'est un truc. Ben, nous, on l'a fait. Hein. Mais non, mais il y a au moins une dizaine de changements. C'est de la folie. Enfin, ah, d'accord. Ah, ouais, c'est fou. Bah, ouais, donc, moi, je trouve ça un petit peu lâche. Moi. Bah, ouais, mais non. Franchement, j'ai pas osé. Donc, c'est considéré comme l'un des représentants du genre. Voilà. Après, c'est le groupe qui est responsable de la popularité du métal symphonique. Ouais, responsable, c'est bien. C'est bien bon mot. C'est responsable. Dans les années, dans les années 90. Là, je peux dire qu'on a un petit compte à régler avec eux. Alors, ouais, sinon, bah, ils ont 9 albums studio. Beaucoup trop. C'est clair. Et leur dernier album, c'est Decade. C'est quoi? Decade. Beaucoup trop. Et c'est tout ce que j'ai à dire, honnêtement. Franchement, j'ai aucun avis objectif, mais vraiment aucun. Parce pourquoi que... Bah, c'est chiant, franchement. Bah, c'est pas objectif, non, c'est chiant, non, bah non. C'est chiant comme la pluie. Moi, je trouve ça objectif. Non, bah, non, franchement. C'est ce que j'ai écouté de Nightwish, oui, c'est objectif, il n'y a pas de souci. Ah non, franchement, je peux pas. Moi, et donc, tu recommandes? Non. Bah, pourquoi? Il y a des gens qui aiment bien le symphonique. Bah, sauf. Alors, tu recommandes Joan Jett pour les vieux? Tu recommandes Megadeth pour ceux qui aiment le trash, mais tu recommandes pas Nightwish. Bah si, je recommande pour ceux qui aiment vraiment. Faut tu recommandes tous les groupes en fait. Bah, faut vraiment. Faut aimer le métal symphonique, mais faut vraiment être à fond dedans parce que c'est de la voix féminine qui. C'est la voix... chiant. C'est de la voix de qui? Comme les pierres. Parce que... Elle s'appelle Flore, je crois. Ah, Flore. C'est mignon. Avant c'était Tarja, maintenant ouais. C'est Flore. Je Tarja crois. Est dans son groupe, bah Tarja. Mais c'est ça. Voilà. Non, non, c'est même pas ça. Epica. Flore, je sais pas comment. Non, Tarja, il y a un autre groupe. Epica, c'est un autre groupe. Ouais. Tu es en train de sourire avec ses chiots. c'était une imitation visuelle. Vous ne pouvez pas la voir. Il le fait vraiment bien. Vous avez de la chance. Un grand sourire, ouais, non, c'est tout à fait ça. Je l'ai mis dessus par là. Oui, mais ils ont de la chance. De pas le voir. Du coup. Non, ils ont pas de chance. Ils ont pas de chance. Vous n'avez pas de chance. Bah après, oui, faut être vraiment très fan de. De métal symphonique non. Bah non, et de voix fort. Lyrique féminine. Ouais, ça c'est un vrai problème qu'on a autour de cette table. Personne n'aime. Ah non. Les... Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime? Ah oui, tu ouais, fais pas, tu vas pas jusqu'à Decade si tu fais pas avant quelques ventes d'albums. Ça fait beaucoup ça. Quoi. Puis en plus ouais, main stage à Decade, 23h t'as dit. Main stage en plus. À... Bah ouais. 23h50. Dans le noir. Non, mais je veux dire, c'est que tu montes pas si haut dans un main stage et tu vends pas. Et puis ça cartonne, hein, apparemment, franchement. Non, mais bah, c'est ce qu'ils devraient faire, ouais. Des petits cartons et se barrer bien vite. Ouais. Non, mais partout où ils passent, c'est complet, et enfin, d'après ce que j'ai vu. Avec le petit carton de babiole. Non, mais ça marche super bien. Ouais. Je le mets où, babiole? Ouais, tu le jettes dans le camion, on s'en fout. Non, fais gaffe, attends, j'ai un vase. C'est fragile. D'accord. Très bien. Donc, c'est tout ce que t'as à dire pour Nightwish? Ouais. Et ça veut dire quoi, Nightwish? La nuit des sorcières. Je sais pas, moi j'aurais dit sorcière de nuit. Sorcière de nuit, la nuit des sorcières, après c'est... Sorcière, mais wish. Bah wish, c'est sorcière. Et sans non, wish, c'est du coup, ça veut dire quoi? Oui, bah, ça non, veut dire sorcière des sables. Mais non, wish, c'est vœu. Wish, c'est vœu. Wish. Je ne sais pas, écoute. C'est pas witch. Mais ouais, wish, t'as raison, c'est parce que wish master. Mais oui. Voilà. Master of puppets. Mais t'as raison, bouge des chaises. Putain, pardon. Master. Putain, putain, en plein milieu du podcast. Arrête, ça va, tu fous le bordel. Je décale la chaise. Oui, mais elle ne touche pas, juste. Mais c'est t'as l'air stressé, tu bouges les meubles. Mais je fais toujours ça. Ah, t'es le déménageur breton. C'est ça, c'est moi. Mais avec parcimonie. Bonjour. Hey, Nightwish, ça marque Veilleur sur Google Trad. Veilleur. Pas Slayer, hein, Veilleur. Ah oui, mais peut-être, oui. Comme Igor. Parce que Wish, Igor, non. Igor, le Fossoyeur. Ok. Bon, c'est pas grave. Allez, à moi. Si, oui. Lequel? Bah, 64. Ah, bah, j'ai pas fait. Oui. Ocarina of Time. Ah, bah oui. Je l'ai, mais j'ai du mal. Meilleur. Oui, je sais, mais j'ai du mal. Je l'ai fait au moins 3 fois. Ah ouais? Ah ouais, j'adore. Enfin, je suis un gros fan. Ouais, beaucoup d'amis à l'époque, apparemment. Donc, alors. Ah ouais. Ouais, comme moi. Moi, j'ai fait Final Fantasy VII plein de fois. Ah ouais, voilà, j'avais beaucoup d'amis à l'époque. Ouais, si, j'avais un ami. Mais il était pas là, en fait. Il était. Il était imaginaire. Bah non. Ouais, bah. Enfin, j'avais plein de potes, en fait. Ouais. Je jouais à 1080 snowboarding. Ah ouais, ça, c'était dur, hein. T'arrivais à faire 1080? Ben non, en fait, le marteau, par contre, il a réussi à bien exploser la manette. Ouais. J'étais un gros vénère à cette époque. Parce que ça a changé. Non, il les explose plus maintenant. Ben non, ils sont en autoradio, on en parle. C'est juste des coups de poing de réparation. D'équilibrage. D'équilibre. J'équilibre. Ah. C'est parce qu'il ne passe pas du 1 au 2 aussi. Donc je suis obligé de... Taper dans le 5. Bah. C'est ça. Très très bien. À moi. Alors, dans la vie, être le fils de quelqu'un... Oui. Dans la vie, être le fils de quelqu'un, c'est toujours compliqué. Mais non, ça dure pas 35 minutes, t'es con ou quoi? Ah oui, d'accord. Grandir sous un héritage avec lequel on doit composer afin d'un côté de ne pas le trahir et de l'autre trouver sa place pour écrire sa propre histoire, c'est une problématique qu'on rencontre tous à des échelles différentes avec les bons et les mauvais côtés. D'accord. En l'occurrence, difficile pour le guitariste George Harris, fils de son père, Steve Harris, légendaire bassiste du non moins légendaire groupe Iron Maiden, de ne pas démarrer avec une image déjà établie dans la tête des gens. Ça, c'est pour le mauvais côté. Le bon côté, c'est qu'être la première partie du groupe de papa pendant la tournée The Book of Soul en 2016, c'est un petit plus non négligeable. Gagnant du prix meilleur nouveau groupe 2017, Planet Rock Award, est surnommé le prochain espoir metal du Royaume-Uni par le, groupe, par le magazine Metal Hammer, The Raven Edge, qui est un groupe anglais, forcément. Né d'une rencontre en 2009 entre le guitariste Dan Wright et George, fils de Harris, par l'intermédiaire de leurs petites amies respectives dont nous n'avons malheureusement pas de news aujourd'hui. Mm-hmm. C'est dommage. Les deux adolescents, fans de Killswitch Engage, Parkway Drive et Avenged Sevenfold, se disent que « Hey, dis donc, on pourrait former un groupe !» Bien sûr. Et franchement, moi, à la place de, du pote de George, je ne pourrais pas m'empêcher de me dire « Le fils d'un Maiden, c'est bon ça !» On n'aura peut-être même pas à jouer pour de vrai qu'on pourra faire de grandes tournées. J'ironise, mais en vrai, c'est impossible de ne pas y penser quand tu rencontres quelqu'un qui est le fils d'un groupe légendaire comme ça. Je te résume vite fait ou c'est, t'as géré ? Ouais, vas-y, je veux bien que tu reprennes depuis le début. C'est le groupe du fils de Steve Harris. Ah, de Steve Harris. Bassiste d'Iron Maiden. Ah ouais. Du coup, dans la vie, il part avec un peu d'avantages ou de désavantages. C'est selon qu'on se prend du point de vue. Bon, souvent, de l'avantage, hein, quand même. Bah, pas forcément. Ça dépend, le fils de l'homme. Et franchement, je l'ai déjà dit, c'est ça qui est bien. Pour ma part, clin d'œil, découverte de la première édition du Download Paris, France Live Nation, je ne sais plus comment on l'appelle. Download Paris, Download France, Download Live Nation. J'avais beaucoup écouté non, leur... toujours pas, là. Non, mais y a pas. J'avais beaucoup écouté leur premier EP avant de me rendre à ce dit festival EP que j'ai beaucoup aimé sans connaître la filiation de l'un des membres. En live, la prestation était pour le moins excellente sur la petite scène, mais pleine d'énergie avec une très bonne présence et des morceaux qui tenaient toutes leurs promesses. Une vraie phrase qui ne veut rien dire. Ce que je veux dire surtout, c'est qu'ils ont peut-être la chance de pouvoir voyager à travers le monde dans l'avion de papa, piloté par Tonton Bruce, mais qu'ils ont appris à faire leurs armes, car leur premier album... Oui. Car leur premier album est sorti plus d'un an plus tard. Je l'ai écouté plusieurs fois, en passant à chaque fois un très bon moment. Mon seul reproche viendrait que l'album n'a pas poussé plus loin le plaisir que m'avait provoqué leur EP, à savoir que chaque morceau de l'EP m'avait beaucoup plu, et dans l'écoute de l'album, je n'ai pas ressenti le cran poussé un peu plus loin. C'est dans la totale continuité, mais du coup, les nouveaux morceaux m'ont beaucoup moins marqué. L'album, dans son tout, est très bon, mais j'aurais voulu que ça aille un cran plus haut. Quelques mois après la sortie de l'album, le groupe annonce le départ, renvoie à corps à l'amiable du chanteur, ce qui m'effraie beaucoup parce que je trouvais qu'elle se mariait plutôt bien avec la musique. Du coup, je suis impatient de les revoir sur scène d'un côté pour découvrir la nouvelle voix du groupe et encore plus d'entendre de nouveaux morceaux pour voir s'ils vont réussir à pousser ce fameux cran un peu plus loin. Je parlais bien sûr de The Raven Edge, si tu l'avais pas... Oui, excuse-moi, j'étais dans les pensées. Voilà, c'est ça. Du coup, c'était The Raven Edge. D'accord, voilà. Okay. Je recommande ce groupe. Okay. Il passe quand et où ? Il passe en main stage. D'accord. Et The Raven Edge, ça veut dire l'âge du corbeau, parce que j'ai regardé quand je lui ai demandé ça voulait dire quoi. Je vais pas le faire pire. Normal. Je voulais pas me faire avoir. Mais le truc, c'est que c'est marrant parce que ça fait quand même deux festivals où je vais les voir et deux fois où il y a en même temps Iron Maiden de programmer. Tiens, c'est étonnant. C'est bizarre. Ouais. Ah bah tiens, c'est bizarre non, ça c'est quand même. Non, je suis d'accord. Quelle coïncidence. Bah, ça arrive. Après, bon, t'es un jeune groupe, même si t'es le fils de quelqu'un, tu vas pas dire « Bah non, papa, je vais pas faire ta première partie, ça serait con. » Mais je suis vraiment curieux parce que le changement de chanteur, c'est toujours une étape importante dans un groupe qui peut complètement totalement tout pourrir. La voix, donc, ça fait très importante. Donc voilà, la voix. C'était ce que j'avais à dire sur Avenel, mais je vois que je vous ai un peu perdu. Je vais revoir ma copie. Mm-hmm. Je vous ai senti vous endormir sur ce que je disais. Voilà. C'est pas une question de s'endormir, c'est plus qu'on... peut-être un coup de mou. Non, non, c'est pas du tout ça, c'est... ça m'emmerdait en fait. Moi j'aurais pas dit. Je le note. Alors, recommande, mais ça l'emmerdait. Recommande. Mais... Ah non, moi je t'ai demandé où il passait. Donc... Mais ça. Donc tu vois, t'avais plus d'intérêt du coup. Ouais. Normal. En même temps, elle a pas écouté. Non, je t'ai demandé quand il passait. Ah, tu vois. Où il passait, je sais maintenant. Mais stage. Peut-être plus d'intérêt. Mais c'est vrai. Mais quand je trouve que par contre, ce que c'est écrit, à quelle heure qu'il passe. Très bien. Il passe à quelle heure? Oui. il passe le dimanche à 11h05. Ah oui, de bonne heure. À 11h05. Ah, ouais. On sera pas là. C'est vraiment ce foot. T'as 35 minutes pour ça. 11h05. Pourquoi? Non, c'est juste non, c'est bien, c'est bien. Non, mais il faut, c'est important de. Faut pas garder ça en soi, faut que ça sorte, faut que ça sorte, faut que ça sorte. Vas-tu nous dire ton dernier groupe ou va falloir qu'on te supplie? Parce que je sais pas. Parce que ta caisse était en contrôle, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça, bah oui. Bah oui. Je comprends, et je t'en excuse. C'est gentil. De quoi? Je ne sais pas. J'avais Exhumeur, moi. Ah, dernier. Tiens. Alors oh, tu l'as vachement appréhendé, ce groupe, c'est pour ça. Alors ah, bah oui. Non, bah non, j'ai pas appréhendé Exhumeur. Pourquoi tu j'y se passe? Ça t'a dit que tu l'écouterais pas. Ah bon? Quasi. J'ai dit quoi? J'étais sourd. Tu m'en voudras pas. Voilà ce que tu m'as dit. C'est ce que j'ai dit? Oui. Oh. Voilà, c'est autant pour moi parce que je l'ai écouté. Ah, et alors? D'accord. Moi, je tiens juste à dire, moi, c'est un des rares groupes où j'ai eu beaucoup de mal, moi. Ah ouais? Ah, je. Eh, mais attention, il y a un Exhumeur avec un H et un Exhumeur sans H. Et là, ça peut tromper. C'est Exhumeur sans H qui passe, hein. Alors, faut faire attention. Attends, je te rappelle, on s'est fait avoir. Ouais. Ah, bah, c'est possible parce que. Moi, j'ai vérifié. Ah, je me suis peut-être fait avoir. On a peut-être été surpris, Exhumeur, justement. On est sur un groupe de trash metal allemand. Et toi, non? Ça me dit rien, moi. Ah bah, donc ça se trouve, t'as écouté avec le H, ah, et du coup, c'est... Avec le H, toi. Ouais, possible. Et là, c'est justement celui sans le H qui passe. D'accord, je... Et peut-être que la première fois qu'on a écouté, on avait écouté avec le H. Et donc, du coup, c'était et très c'est différent. C'est pour ça. Et que c'était très... Dans ça la passe, violence. Ça passe où, tu sais pas? Hellfest. Ouais, attends, je vais regarder Hellfest. Hellfest. Je connais pas. C'est un festival? Ouais, je l'ai pas du tout, moi, Exhumeur. Il passe encore ou pas? Ouais, ça se trouve, c'est des programmés. Faut que je règle. Ouais. Non, mais j'y suis si tu veux. Le 29 mars, c'est la Saint-Gladys. Ah, merveilleux. Ouais. C'est chouette. C'est ce que je préfère dans la vie. C'est ton deuxième prénom, mais t'as rien à foutre, quoi. Bonjour, j'en ai rien à foutre, c'est mon deuxième prénom. Ouais, je peux crever, de toute façon, je m'en fous, je vais mourir d'événement. C'est pourri comme prénom, en plus, Gladys, franchement. Non, je le vois pas du tout. Tu le vois pas? Non. Eh ben, écoute, j'ai fait une chronique pour rien. Eh ben, je vais pas la dire. Attends. À toi, merci. Attends, je suis pas prête, du coup. Exhumeur, c'est Exhumeur. Ouais, tu l'as? Il est en... Alors, il passe... sur Altar. Et c'est Exhumeur sans H. Exhumeur sans H. Oh la vache, le mec il se dit mes yeux. Et toi aussi t'as un petit truc de Sylvain du vélo. Ouais, il me demande c'est qui Charlotte. Ah ouais. Je sais pas, je la connais pas. Exhumeur. J'ai pas du tout écouté de bon groupe. Sérieux? Le gros. Donc t'as pas écouté le bon groupe? Non. Bah, je m'écoute Exhumeur sans H. Bah vas-y. Ça n'a rien à voir en fait, ouais, c'est ça. Bah, je vais... Donc, okay. Exhumeur, c'est pour ça me paraît bizarre parce que c'est pas non plus transcendant, mais ça passe quoi. Ah non, parce que dans la voiture c'est un groupe de black metal que je t'ai fait. Bah ouais, oui, non, c'est ça, c'est pas santé. Exhumeur sans H. Et justement, il y a une anecdote par rapport à Exhumeur sans H. Comme la première fois aussi. Donc, ouais. Exhumeur sans H, entre le X et le U, qui est un groupe de trash metal allemand. De Francfort sur le Main, Oui, sur la main. Oui. Sauf qu'il est allemand. Donc c'est pour ça que j'arrive pas trop à me dire. Sur le Main. Enfin, je. Non, putain, ça, c'est belge. Le mec, il croit à mort à sa blague. Ben oui, Francfort sur le Main. Comment tu vas noter ça, toi, en allemand? Putain, aucun respect. Mais c'est, ouais, c'est vrai. Ah, oh, ben c'est sur le Main, comme tu l'as dit. Moi, je l'aurais mis pareil. Hein. Donc, Francfort sur le Main. Voilà. Mais vraiment, hein, sur le Main. C'est Francfort sur le Main. Voilà, dans le Land de S. Formons 85. 4 albums. Ce qui est pas beaucoup. Bah non. En 85. Oui, mais tu me permets que je finisse la suite. S'il te plaît. Sur la main. Sur le Main. Sur le fil, sur le poil. Le groupe se sépare après deux démos. Et deux albums en 91. Mais se reforme en 2008. Oh, hey, un petit peu de sérieux si tu veux ton chèque, hein, bordel. Après une brève reformation. Oh non. En 2001. Ok, d'accord. À l'occasion du Wacken Open Air. Ah, je connais. Premier album, 86. Bonne année. Deuxième album, 87. Bonne année. Troisième album, 2012. Quatrième album, 2016. Voilà. Exhumeur, pourquoi sans les vaches? Parce que le père du chanteur leur a dit, tiens, pourquoi vous vous appareillez pas? Exhumeur, de déterrer en anglais, ah. Mais sans le H, comme ça, votre nom, vous serez propre à vous. Et dès qu'on rechercherait exhumeur sans le H, on tomberait sur vous. C'est l'imitation de quelqu'un ou... Non, c'est juste moi-même. Ah, oui. En mode blasé. En mode blasé. Non, ce qui est marrant, c'est que les gens, ils voient pas ta tête, ils disent, tu sais, il veut vraiment être blasé. Alors, l'autre, il a un gros sourire, il a la banane comme il a pas, il fait ça. Voilà. Ah, et donc t'es... Et t'as écouté alors? Oui. Putain, tu me le fais bien. Moi, bon, je suis imitateur. Tu m'imites très bien. En blasé, ça. Et donc, en t'as bien aimé blasé. Ouais, c'est du trash metal, tout ce qu'il y a de plus trash metal. Non, c'est du black metal. Exhumeur, moi j'ai écouté du black metal. Trash metal, mais tu vas écouter. J'ai écouté Exhumeur. J'ai l'impression d'écouter du Slayer, mais avec plus de changements, plus de. De mouvement de bois? Ouais. D'accord. De mouvement de bois. D'accord. Ok. Non, franchement, on va écouter Exhumeur. Bah, je vais y aller, bien sûr, je vais y aller. Attends. Et tu vas voir, tu seras pas déçu. Je vais y aller. Il faut absolument aussi que je change la playlist, du coup. C'est pas un thrash metal dégueulasse. Et franchement, je crois qu'il passe sous Altar, si je ne me trompe. Oui. Sous Altar. Oui. Et Zach. Et ben. Zach je trouve que. Tu pourrais aller y aller. Pas forcément. Non, mais non. Tu recommandes. Ouais. Voilà. Bah, c'est déjà ça. Est-ce que tu recommandes pour les gens qui seront sous Altar à ce moment-là? Oui. S'ils attendent et qu'ils fument des clubs sous et qu'ils Altar. Sont en train de rien faire, en train de boire une petite bière, à ce moment-là, je leur dirais. Ça passe à la digestion. Pas, bah, attendez. 14h20. Et partez après. 14h20. Non, c'est bien, c'est je bien. Je trouve que c'est plutôt. C'est positif et c'est. Ouais, et ouais. C'est bienveillant. Et ça, c'est important. C'est vrai? Très bien. D'autres choses? Oui. Mais que tu préfères garder pour toi, parce que t'es quelqu'un de pudique. Parce que j'ai mon petit jardin secret. Que tu cultives. Voilà, exactement. Car tu es un petit peu potagiste. Parcimonie. Potagiste. J'adore. Je suis fan. Potagiste. Ah non, mais j'adore. C'est dur, ça. Je peux te le pendre. Ça. Potagiste, cadeau. Ça va rester. C'est cadeau. Potagiste. C'est génial. Merci. C'est un génie. Je ne fais que de les dire, bordel. Alors. Mais j'en ai autant à ton nom. Et moi, je suis potagiste. Ça te va très bien, potagiste. Merci. Je dois prendre pourtant. Je suis potagiste. Alors. Moi, j'avais pas de ça. Oh, parcimonie, un peu de sérieux, s'il te plaît, on n'est pas là pour rigoler, nous merde. C'est du métal. hôpital industriel. Non, c'est de la merde, c'est de la merde. Essaye pas de convaincre qui que ce soit. C'est quoi? Marilyn Manson. Oh, c'est la... désespéré, la vie vient de le dire. Bah oui, mais on est comme nous. Oh putain. Moi, ça me fait cet effet-là aussi, moi, quand j'écoute. Brian Warner, de son vrai nom, a formé le groupe en 89. L'album Portrait of American Family est produit par Trent Reznor. Je connais pas. Nine Inch Nails. Je connais pas non plus. En 94, il sort. Donc il sort 11 albums studio. Oh la vache. Beaucoup trop. Comme non, des Twitch. Non, ils sont tous différents, ils sont tous. Ah ouais. Ils sont tous bien. Ouais. Non, ils sont pas tous bien, c'est pas vrai. Y a pas que des bons morceaux dans ces albums, mais y a des morceaux qui sont très bons. Y a pas de bons morceaux. Mais si. Bien sûr que si. Vous l'avez pas entendu. Là, moi je vous laisse vous guider. Ah, t'as un avis aussi. Moi, ouais, forcément, oui, un avis. Quoi. Donc, je vais pas le dire ici. Bah, t'as le droit de le penser, t'as le droit de le dire. T'as le droit de penser, moi j'aime bien Marilyn Manson. T'as le droit de le penser, t'as le droit de le dire. Okay, moi j'aime bien Marilyn Manson. C'est gentil à toi. T'as le droit de le penser. C'est gentil. Merci. C'est m'autoriser sans. Tu me taperas pas après. Mais non, mais hein? L'euro il a l'air de pas avoir envie de dire qu'il aime pas. J'ai dit c'est de la merde. Ah ouais, d'accord. C'est pas vrai. Oh, c'est dur d'aller sur un autre niveau. Donc Marilyn Manson est aussi peintre. Ouais. Il ouvre une galerie d'art. Et il a également. Mais est-ce qu'il a inventé le mot potager? Je crois pas. Potagiste? Potagiste. On va lui poser la question. Bah voilà. Écoute. Mais. Très fort. Il a aussi. Il est amateur d'absinthe et il a créé sa propre absinthe qui s'appelle la menthe sainte. Et qui a une teneur en alcool de 66,6. Je comprends pas pourquoi. Voilà. Bah moi j'aime bien Marilyn Manson, donc du coup. Après il y a des albums que je préfère, j'aime beaucoup Mechanical Animal. Mm-hmm. Et voilà. Moi, j'ai pas grand chose à dire de plus parce que. Pourtant t'aimes bien, tu dois. Oui, j'aime bien, mais c'est pas facile de parler d'un artiste qui en fait change sur chaque album. En fait, chaque album est différent. Bah, je sais pas, t'en penses quoi du dernier album? Le dernier album, je l'aime bien, mais c'est pas mon préféré de loin. Enfin voilà, vraiment, c'est vraiment pas mon préféré. De tous ces albums. Pareil, moi j'aimais bien les débuts de Marilyn Manson aussi, j'aimais bien American Port, enfin voilà, le premier album. Portrait en fait. Of American ouais. Family. Ouais. Parce qu'il était, il avait la pêche, il était trash. Oui, forcément. Non, mais ça c'est oui, après. C'était nouveau, c'était voilà. C'est... Après, je connais Manson depuis que je suis très jeune, donc du mais coup j'ai suivi depuis le début. Pourquoi il s'est arrêté justement à Mechanical Animal? C'est vraiment. Pourquoi il a débranché ses amplis depuis? Bah, il a évolué. Ouais, je pense qu'il a évolué avec la musique électronique, puis bah peut-être qu'il a fait trop d'abus aussi, hein. Enfin je pense que voilà, ça doit jouer aussi sur son. Oh, je pense pas, non. Bon, il continue de faire ses morceaux en live et tout, non. Enfin, après je suis. Je pense qu'il a évolué avec la musique quand même. Je pense qu'il essaye toujours de proposer quelque chose de différent, ouais. Et ça reste intéressant. Après, moi, sa musique, elle marche pas sur moi. J'ai l'impression que ses meilleurs morceaux, c'est ses reprises, alors ça. Mm-hmm. C'est plus ça qui. C'est un univers sur chaque album, moi je trouve. J'essaierai d'aller l'écouter, je le marque, parce que je veux pas. Après, j'ai dû l'écouter, mais il faut déjà aimer un peu l'électro, parce que c'est vrai que c'est quand même vachement électro. Ouais. Il est vachement. Ouais, le fait, c'est bien Carpenter Brutal. Ah, c'est pas du tout comparable. Après, l'indus, c'est toujours. Il y a une partie électro, toujours un petit peu. Donc, Nine Inch Nails, c'est pas. Il y a quand même toujours des pas instrumentalisés classiques. Ouais, donc c'est un peu Moi j'aime bien Nine Inch Nails. Ouais, j'aime bien aussi, mais j'aime bien Nine Inch Nails aussi. Je trouve ça, à la limite, je trouve plus intéressant justement les recherches et ce que propose Trent Reznor dans tous les domaines qu'il propose que Marilyn Manson qui sert un petit peu trop d'une image pour c'est plus ça qui m'embête en fait, c'est que la musique est... Tu te penses que son image passe avant sa musique? Oui, complètement. Pour moi retires l'image, jamais tu entends parler du gars. C'est parce qu'il a fait son image qu'on en a entendu parler, hein, parce que c'est pas. Il a été malin, quoi. Voilà, il a su. Non, je trouve pas ça être malin, moi. Je trouve pas ça être malin. Je le trouve déjà faussement provocateur et je dis pas qu'il a pas quelque chose à dire ou qu'il a pas une vraie personnalité, une vraie sensibilité, mais je trouve faussement provocateur qu'il s'est servi de la provocation pour se faire connaître plus que d'avoir besoin de faire ça et après, que. Après, c'est comme ça que ça marche aussi. Mais non, t'as pas besoin. Il y a des gens qui ont pas besoin de le faire. Les gens n'ont pas tous besoin d'être provocateurs. J'ai un pote qui l'a vu 5 fois en concert sur Paris. C'était un gros fan. À chacun de ses albums de sortie, et vraiment sur scène apparemment, c'était génial jusqu'à Mechanical Animal. Après Mechanical, Mechanical et l'animal, c'est un des meilleurs. Enfin, pour parce moi, qu'il avait vraiment un univers, et sur scène, il donnait à son public justement ce qu'il voulait. Il aimait voir, encore ce qu'il faisait, peut-être aussi. Ça, je peux ça, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord qu'en plus, qu'il a un vrai univers. Artistique, ça, je suis d'accord. Très, très développé. Ça, je suis il est artiste, enfin voilà, il touche à beaucoup de choses, il est doué. Ce que je lui reproche maintenant, c'est de. Bah en fait, il a plus ce côté. Il a plus besoin. Il a plus besoin en même temps. Il venait sur scène avec des. Il a déjà une notoriété qui est installée. Plume et tout, c'était. Moi, je pense que c'est impressionnant. C'était impressionnant. Non, mais ça, je suis. Mais qu'il ait plus besoin, ça, c'est une chose. Je pense. Oui, mais ça change pas la manière de faire. Il vient pour faire de la merde. Quoi. Je veux dire, on recite toujours ça comme étant un des pires concerts qu'on ait vu à Hellfest, mais la fois où on a vu Marilyn Manson, c'était vraiment horrible, quoi. Bah, j'espère que ce sera pas comme ça, oui, cette année, franchement, vraiment. Parce que j'aimerais bien le voir une fois et que ce soit un show. La provocation, c'était exactement ça, sauf que là, c'était même pas la provocation pour c'était du dédain choquant, plus qu'autre chose, ouais. C'était du dédain, presque. Même pathétique. Tu vois, c'était vraiment. Enfin, t'avais l'impression que ça le faisait chier d'être là, c'est ça? Enfin, d'après ce que moi j'ai vu. Non, c'est pas ça. Non, c'est qu'il avait pas ce qu'il attendait en fait. Il avait pas le retour du public qui devait l'encenser comme un dieu qui a pété un plomb et qui se prend plus du tout pour de la merde et que si on lui redonne pas en échange de ce qu'il est lui, bah voilà. T'avais l'impression que c'était un vieux has-been sur le retour, tu vois. Ah ouais, dit, d'accord, ok. Donc, ouais, c'est ça. Comme un, bah, j'espère que je serai pas déçu. Franchement, vraiment, j'espère que je serai pas déçu par rapport à ce à quoi je m'attends. Parce que moi, je vois les clips quand j'étais plus jeune. Forcément, je regardais les clips, les concerts, etc. Donc, je m'attendrais à. Non, moi, j'aimerais bien voir un truc comme ça. Mais je te dis, vraiment, malheureusement, je sais que ce sera pas le cas. J'aime bien. Mais après, ce qu'il a fait après, pour moi, c'était une espèce de réchauffé de mauvaise. Je sais pas. Pas vraiment de. Mais au début, il cherchait, tu vois, enfin vraiment. Et puis, non, mais c'est surtout qu'il avait quelque chose à prouver, il fallait qu'il y arrive. Donc, il faut y aller, il faut. Enfin, oui, mais justement, pour moi, il a pris quand même la voie. Il a pris le melon, tu penses que. Non, je pense que pour y arriver, justement, il a pris la voie la plus. Plus facile. Je dirais pas la plus facile, mais il a pas pris celle de la musique pour moi. Il a pris une autre. Oui, il a fait comme Lady Gaga, quoi. C'est ça que tu veux dire un petit peu. L'apparence. Ouais, peut-être, oui, ouais, un peu, on va dire dans ce sens-là, oui, un petit peu. En vrai, c'est les États-Unis, ça marche comme ça aussi. Hein. Non, mais ça, c'est bidon de dire ça. Ouais. Je veux dire, il y a énormément de groupes qui cartonnent et qui sont pas. Oui, en Somalie, c'est comme ça aussi. Hein. Non, mais je veux dire, c'est pas vrai, il y a des groupes qui font ça qui n'étaient pas de la provocation ou qui n'étaient pas. En fait, je pense qu'il y a une différence entre être un artiste et avoir une image à défendre un truc ou. C'est une image. Non, c'est la règle sur. Ouais, tellement là, bon. C'est tellement violent. Oh non, c'est de la merde ce que tu dis. Ah, mais je l'ai pas dit. Non, mais je m'en fous. C'était un jugement, tu vois. Non, mais c'est... je pense qu'il y avait vraiment. En fait, j'aime pas les gens qui font ça où tu sens que le truc est trop calculé, quoi. Je reprocherai jamais de vouloir être connu et d'être célèbre parce que c'est une démarche logique quand tu fais de la musique et tout ça. Sauf que je pense qu'il a vraiment pas mis la musique au second rang. Mais qu'il a plus vu une espèce de possibilité par là en se disant bah, si je fais de la musique et que j'ai une image un peu comme ça, eh ben, ça va être plus facile et qu'il a vraiment appuyé là-dessus. Parce que, en soi, je pense que techniquement, sans l'image, sans son image à lui. Et tout je ce pense qu'il n'en serait pas où il en est. Ah non, c'est sûr. Ouais. Musicalement, c'est possible, ça ne vaut pas, ça ne justifie pas ça. Qui fait que, c'est ça. Moins. Bah oui, c'est pas. Je dis pas même les textes, il n'y a pas mais que après, des textes. Après, ça c'est moi, tu peux aimer un univers et tout, mais et c'est très bien. Oui, moi j'aime bien l'univers. Après, je dis pas que tous ces textes sont intelligents et. Non, mais ça tu peux pas le dire de tous les groupes, il y a pas. Tous les groupes n'ont pas 100% de. Des fois tu lis son texte et tu te dis, voilà, oui, c'est vrai que. Après, le problème, c'est que ce que j'aime pas non plus, c'est qu'à un moment donné, être artiste. Ça devient une excuse pour tout. Et donc, quand il fait quelque chose et qu'il se foire ou quoi que ce soit, il va dire bah, vous n'avez pas compris ma démarche, ou bah, vous n'avez pas fait ça. Ou... Ouais. Il va toujours un peu se cacher derrière ça. Tout ce que je fais, c'est artistique. Et... Il est ami avec Johnny Depp. Hein. Ouais. C'est pas étonnant. Hein. Non, mais après, voilà. C'est des vieux sur le retour qui sont. Bah, ils sont, oui. Non, mais après, ça c'est mon avis à moi. Ils ont envie de le voir, et maintenant, ils recherchent un petit peu les petites miettes qu'ils peuvent trouver à droite à gauche pour dire Aimez-nous. Après, c'est arrivé avec beaucoup de groupes de le faire ça. Après, pour moi, je pense pas que ce soit forcément comme ça que ça marche. C'est une possibilité que tu peux prendre ou pas. Mais c'est pas. Je comprends qu'on ait ce point de vue. Après, j'aime bien Marilyn Manson parce que j'aime bien tout l'univers en fait. Mais après, je comprends que Écoute, tu vas aller voir le concert au Hellfest. Après, bah, je verrai en trois morceaux, je verrai si ça le fait ou pas. Je suis pas sûr, non, pas forcément. Non, mais en plus, le fait que tu sois fan, ça peut. Show. On va voir le show directement. Et j'espère qu'il y aura un show surtout. Oui. C'est ça, en fait. Bah, s'il y en a un déjà, là, donc c'est dans sa tournée. Ah, bah, après, je l'ai jamais vu. Donc, oui, après, regarde, si je devais prendre un exemple pour comparer en termes de réussite ou de manière de faire, à l'époque où Dave Mustaine s'est fait virer de Metallica, il se fait virer parce qu'il avait des problèmes d'alcool. Uh-huh. Le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a recréé Megadeth et il est devenu un groupe qui est aussi connu, pas aussi vendeur, mais qui est aussi connu que Metallica. Uh-huh. Moi, je dis, ouais, ben, le mec, il n'y a pas été avec, en jouant sur son image. Hein. Parce que quoi qu'on en soit aujourd'hui, il n'a pas un univers ou un truc qui est vachement... Comment il a fait? Non, c'est clair, oui, c'est sûr. Ah, parce qu'il a il été... Il a fait de la musique. Voilà. Et il... enfin, c'est juste ça. C'est deux... Alors, si je devais faire deux comparaisons, quoi, rapides, on ne peut pas comparer l'un et l'autre, mais c'est pour dire, quoi. C'est... Ouais. C'est... Alors moi c'est pareil pour dire, pas forcément, mais en comparaison, on a vu trois fois je crois Rob Zombie, mm-hmm. Les deux premiers shows c'était bof. Bien mais sans plus, ouais. Et le troisième a boité sa race, quoi. Mm-hmm. Il était génial, ouais. Dernier qu'on a vu, c'était, en plus c'était de nuit, voilà, donc, niveau lumière, niveau show, machin, truc, ça a pété, quoi. Tu vois, regarde, je trouve ça beaucoup plus intéressant, justement, ce que propose Rob Zombie, alors que pourtant aussi, lui, avec un univers, mais il n'était pas dans la provocation de cet ordre-là, en fait. Tu vois, c'est pas de la... Il a amené son univers, en disant, voilà, mon univers, ouais. C'est ça. Vous adhérez pas. Je suis pas obligé de forcément de faire que des trucs qui vont aller dans le sens, justement, en musique, alors que je trouve que Manson a quand même un côté mainstream qui est assez... Ah mais complètement. Bah ouais, mais justement c'est mais en total clair. Désaccord avec son image techniquement, mais donc il a fait un ensemble des deux pour que ça soit hyper Ah bah ça oui, je suis d'accord, c'est mais total je total désaccord avec son image. C'est pour ça. Ce qu'il fait maintenant, est-ce qu'il voilà, je veux dire c'est je suis d'accord. Et même à la base hein, ce qu'il fait hein, c'est en total désaccord avec ce que lui prônait hein, donc c'est pour ça, c'est en fait c'est ça que j'aime pas, c'est un peu le mec je pense qu'il a dépassé le stade du simple artiste et qui il est aussi peut-être prisonnier d'une certaine image, mais en fait, j'arrive pas à... Enfin, j'ai pas aimé les... J'aime pas ce genre de démarche de base. Mais je préfère un mec comme Rob Zombie, que je trouve beaucoup plus justement intéressant à tous les niveaux. Oui, je suis d'accord. Mais, plus sincère. Ouais, voilà, plus sincère. Et qui va aller moins dans une certaine... Pas facilité, parce que je dirais pas ça non plus, mais tu travailles pas un matin en disant « je vais devenir une espèce d'icône gothique ». Si tu vas dans le sens, Rob Zombie s'est inspiré d'Alice Cooper. Mmh. Alice ouais. Cooper s'est forcément inspiré de quelqu'un d'autre, ouais. Je ne sais pas qui. T'as Alice Cooper, Rob Zombie et Marilyn Manson qui lui a dit, je ne sais plus quelle interview qu'on avait vue dans les années 90, que lui, ses influences justement, c'était Rob Zombie, Alice Cooper, tous ces mecs-là qui étaient un petit peu... voilà. Ouais. Donc t'as toujours cette suite, on attend le prochain. David Bowie aussi. Non, ou si on alors et, ou alors si on devait aller dans le genre d'idée où justement que des mecs comme Alice Cooper et Rob Zombie à un moment donné ont su arrêter d'être juste leur personnage pour montrer qu'ils étaient capables de faire autre chose. Alice Cooper, il a souvent parlé même aujourd'hui maintenant, voilà, tout le monde sait qu'Alice Cooper c'est son personnage sur scène et qu'à côté il existe. Ouais. Alors que Marilyn Manson, non, il est toujours dans son personnage de Marilyn Manson à tous les niveaux. Il n'est pas capable de s'en détacher même une seconde, donc ouais, mais ça, c'est un peu... Ouais, mais ça, c'est peut-être un peu autre chose. Ouais, mais justement, c'est justement ça que je trouve que des fois, ses intentions sonnent plus fausses, en fait, je trouve. Je sais pas, je pense pas. Est-ce que c'est un vrai humain? Est-ce que c'est... Voilà. Moi, je pense que justement, il est trop habité par ce personnage, et enfin, voilà, c'est... Bon, voilà, quand même. Mais justement, donc, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, le côté artiste qui devient qu'artiste, c'est qu'il l'excuse pour tout, en fait. Ouais, mais c'est possible. Franchement. Regardez, je pisse dans ma maison, je suis un artiste. Ah, cool. Vous voulez prendre une photo? Mais ça peut. Je vais faire mal. Bah... Non, mais c'est... Ouais, mais donc, du coup, artiste devient une excuse pour tout et tu te caches derrière tout ce que tu fais comme ça. Toutes tes démarches deviennent biaisées parce que t'es un artiste. Donc t'as plus d'avis à recevoir ou à donner. Quoi. T'es un artiste, tu fais tout. Mm. Ça, c'est... Il y a des gens qui sont comme ça et que... Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais, mais Johnny Depp, il a fait Pirates des Caraïbes. Au moins le 1. Très bien, donc on a apparemment, on est assez tous d'accord pour dire qu'on recommande Marilyn Manson. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, parce qu'on on a beaucoup trop parlé. Moi, j'irai le voir. Après, oui, il faut aller le voir, c'est suivant. Si tu vas pas, tu vas pas te dire non, c'est de la merde. C'est vrai. Bon, allez, je me dépêche pour le dernier groupe parce que ça fait déjà 2h15. C'est notre tour, merde, il peut bien. Écoutez jusqu'au bout. Très bien. Alors je vais. Non, on aurait peut-être dû le dire avant ça. Qu'on allait être long ? Non, écoutez jusqu'au bout. Ah, bah pfff. On aurait déjà dû le dire dès le premier. Normalement, c'est quoi ? On devrait mettre un truc récurrent, tu vois. Comme un petit jingle qu'on devrait mettre. Écoutez jusqu'au bout. Voilà. Très bien. Alors, dernier groupe. Get the shot. Dans la vie, moi, je déteste me moquer des noms de famille. Parce que c'est quelque chose pour lequel on n'y peut rien. Et accessoirement, je ne suis pas le mieux placé pour me permettre ce genre de critique. Et comme je n'aime pas trop me moquer de moi-même, je préfère éviter ce genre de galéjade. Et pourtant, parfois, on peut faire des liens entre les noms de famille. Et j'ai pas mis la fin. Donc, on peut faire des liens entre les noms de famille et d'autres choses. Get the shock, get the shot, groupe de trash hardcore DIY. Do It Yourself, originaire de Quebec City au Canada, un pays que j'aimerais beaucoup visiter, a débuté en 2009. En 2009, sa rafale de mandales et a depuis rarement calmé le jeu. En groupe Do It Yourself, car autant impliqué dans tous les niveaux du groupe, que ce soit prod, promotion, etc., etc., parce que je manque d'exemples. Comme l'explique Jean-Philippe, chanteur du groupe, le groupe tire son nom d'une chanson du groupe Hardcore Attitude de Syracuse. C'est une chanson intitulée Get the Shock, du coup c'est assez cohérent, qui parle de garder son esprit critique, de ne pas avaler ou prendre pour acquis tout ce qu'on essaie de nous imposer dans les médias ou dans nos environnements sociaux. Donc de rester à l'affût, de rester critique par rapport à ce que l'on cherche à nous imposer. Get the shot, qui veut dire obtenir un coup. Alors, premier album, Perdition en 2012. Suite logique, une tournée avec un fort succès en Europe, y compris la France, un pays que j'ai déjà visité. 2014, No Peace in Hell. Pas de paix en enfer. Second opus du groupe, toujours rempli de colère. Et tandis que le groupe continue d'enchaîner les concerts entre deux, dans le van, ça écoute du Slayer, Megadeth, Metallica, Anthrax, Doctor Living Dead également. Et dans un autre registre, un bon vieux Greatest Hits de Joe Dassin. Selon les propos du chanteur, cet homme a mal et en plus il a une haleine de café extraordinaire. Ça sent le café puis ça fait mal, donc c'est le meilleur des deux mondes. Après un bon succès critique... C'est de toi ça ? Non, non, c'est de lui. Ah ouais. Vraiment. Après un bon succès critique et scénique, le groupe continue sur sa lancée et c'est en 2017 que sort Infinite Punishment, Punition Infinie. Continuant tel un bulldozer à défoncer leur chemin. Telle une véritable ligne droite, comme lu sur la toile, ce troisième album est un disque sombre avec la férocité distinctive et la vigueur violente de cinq esprits désillusionnés qui n'ont rien à perdre. Pas de mode, pas de fioriture, pas de mensonge. De quoi t'en veux ? J'ai pas fini encore ça. Non. Fait amusant, Jean-Philippe. Ah putain, putain, c'est mon point d'orgue là. C'est bon ? Je peux. Fait amusant, Jean-Philippe Lagacé n'est pas qu'un chanteur agacé. C'est là la blague sur le nom de famille. Il se trouve que dans la vie de tous les jours, Jean-Philippe est professeur de philo. La fameuse Philon, selon Jean-Philippe, et qui voit un parallèle entre ces deux activités. D'abord, dans le hardcore, une musique qui te permet d'être ce que tu veux, mais aussi de réfléchir sur les thématiques qu'il aborde. Ce qu'il essaie également de faire avec son groupe. Et en tant que prof, l'enseignement lui permet de donner aux autres des outils intellectuels pour essayer de trouver des réponses et pour leur donner un semblant de sens. Le même combat, mais sur deux fronts différents, à savoir des gens qui ont un esprit critique et qui sont capables d'être ce qu'ils veulent vraiment être. Moi, j'avais pas vu tout ça dans le hardcore. Get the Shop est un groupe de hardcore avec également des passages trash et surtout aucune concession. Ça tabasse, ça casse des genoux, ça arrache des dents, parfois ça te crache au visage. Ça m'a un peu fait penser au sentiment que tu ressens quand tu vas dans un pogo. Tu lâches tout et tu es avec tous tes potes qui sont là pour la même chose. Et autant j'ai été embarqué par la musique, sa violence, sa colère, comme si ça faisait écho à ma propre rage, celle que je pouvais ressentir, autant je n'ai pas encore été me pencher sur les textes ou thèmes abordés, mais j'ai maintenant envie d'aller découvrir les outils que Jean-Philippe nous a laissés à travers ses mots, afin de comprendre toutes ses colères et peut-être mieux appréhender les miennes. Tu m'étonnes. Voilà, c'était Get the Shot. Et c'est... ça envoie du lourd. Je pense, faut que je m'adapte, hein. Pourquoi ? Non, parce que je veux dire, tu balances ça comme ça sur un podcast, c'est pas possible. Bah, faut vraiment que j'arrive à m'adapter, parce que là, du coup, je me perds totalement, quoi. Bah justement, bah non, c'est peut-être à moi. J'ai l'impression d'être en train de lire un rocker, mais en version genre cassette. Le regard sur cassette. Ou genre, t'es obligé pour les nuls. T'attends le regard pour les nuls. Le mec, il attend de souffler, il tourne la cassette. Putain, merde, mon stylo, attends. T'as pas ma bique ? Non, mais sinon, c'était bien. Hein. Ouais. Moi, j'aime bien. C'est très bien, c'est pas le problème. Ça donne envie d'aller voir. Franchement, c'est très bien. Ah non, mais je disais, c'était bien le groupe, pas moi. Non, mais même. Tout, je veux dire, l'ensemble. Ah bon ? Peut-être le groupe, tout ça, je sais pas. Je suis un peu... Tu me lances. Vous êtes sûr ? Moi, j'ai l'impression que c'est trop, moi. Ah oui, non, c'est trop, c'est sûr. Ah bon. Non, mais... Mais ça donne envie d'aller s'intéresser. Pas du tout. Moi, je sais exactement ce que je dis. Jean-Philippe est professeur de philo. Oui, forcément, parce que j'ai là. La philo, la fameuse philo selon Jean-Philippe. J'ai à peu près compris. Mais... Oui, non, alors par contre, c'est pas ça, c'est pas... Vous l'avez pas, la ref ? Bon, c'est pas... La philo selon Philippe, non ? Ah bah, les auditeurs l'ont, vous inquiétez pas. Moi, je... Ouais. Ouais. Non, donc sinon, c'est bien, ça passe en Warzone à midi. D'accord. À midi ? Ouais, ouais, à midi. Et ça tabasse sévère. Je vous ai fait écouter un peu dans la voiture, l'autre jour. Oui. T'avais bien aimé ? Oui, oui, certainement. Voilà. J'imagine que forcément. Eh ben voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. C'est déjà bien, c'est très bien. Non, mais on va en débriefer après, parce qu'il faut pas... Parce que je suis pas convaincu. Mm-hmm. Ouais. Bah, je sais pas, je trouve que c'est trop. T'es pas convaincu de ta... De... Ouais, bah de ce... Je sais pas, j'ai l'impression... De ta prestation ? Ouais, non, je sais pas. J'sais... Mm-hmm. Écoute, Tu veux qu'on débriefe en direct ? Ou on prend les groupes et on arrête ? Vu qu'on est déjà à 2h18. Moi, je trouve ça bien. Comme je te dis, j'ai l'impression d'avoir un rockard, mais en version cassette, enfin maintenant MP3, du coup. Et c'est bien, mais... peut-être de voir à circoncis. C'est pas dans l'esprit ? C'est moins dans l'esprit ? Ouais, totalement, ouais. D'accord, donc faut que je fasse autrement, alors. Faut que vous écoutiez pour voir. Ouais, non, là, c'est trop... En fait, t'es passé de Road to Hellfest à pur... À Road to Hellfest, le mag. Ouais, c'est ça, ouais. C'est exactement ça. Et tu m'as pas prévenu. Mais j'ai... Mais et du coup, moi, je suis un peu largué. Et je sais pas, comment... Bah, je sais pas, bah, j'ai tenté un... Bah, j'ai tenté un truc. Non, mais c'est bien, c'est bien. Bah, peut-être pas. La prochaine fois, préviens-moi, parce que bon, je suis quand même. On passe. Alors, je t'ai pas prévenu. Ah, ouais, non, mais tu m'as dit 35 minutes. 35 minutes, d'accord. Je me suis dit, bon, il va pas écrire. Enfin, il écrit 35 minutes, mais il va pas non plus faire 35 minutes. Mais j'ai pas fait 35 minutes. Ah, bah non, t'as fait plus que ça sur. Non, je ne suis pas. Là, monsieur, je ne suis pas d'accord. Oui. Je ne suis pas d'accord. Attendez, parcimonie veut. Oui. Je peux faire une petite pause de cigarette. C'était ça ton truc ? Ouais. Ah bah super, eh bah très bien. on est en train de débattre d'un truc, je vais te casser. Ah mais non mais vous continuez à enregistrer ou pas là hein, mais je préfère... Non mais tu as raison. Bah non mais c'est entre ou pas. Eh bah va-t'en, très bien. Oui, non, je suis... non mais j'ai tenté c'est un truc, je voulais tenter un truc, une espèce de... Mais c'est trop. Je sais pas si c'est trop, mais c'est surprenant. C'est comme potagiste. Mais en moins drôle. C'est comme potagiste, mais dans le côté moins agréable en surprise. Voilà, c'est ça. Là, t'as pas les navets, t'as pas les... Donc, faudrait que je fasse différemment, alors. J'ai tenté. Tu peux faire différemment. Ah, je trouve que ça fait trop, justement, trop carré. Ouais, c'est trop carré. Ah, ça ressemble pas à... Non. Ça ferait... Bah, c'est trop radical. C'est trop radical, hein, c'est ça que tu veux dire. Tu vois ? Ouais, tu ouais. passes du coq à l'âne, vraiment, quoi. C'est, J'ai essayé. Non mais c'est très bien, c'est très bien. Mais après c'est voilà, c'est un peu ton truc aussi, hein. Donc c'est soit moi je m'adapte à ce que toi tu veux faire. Bah non, pas du tout. Soit moi j'ai. On revient à un truc. Non l'idée, mais non l'idée c'est plus de justement de tenter un truc et de voir si ça passe ou pas. C'est un peu ce qu'on fait à chaque fois. C'est un labo un peu. Alors dans ces oui, c'est pas faux. Voilà c'est ça. Et ce qui serait bien, c'est que dans ces cas-là, on est. Du retour. Ah voilà, du retour, merci, oui, très bien. Les chroniques de Jack. Non, ben, oui, voilà, merci, un retour pour savoir si, sous cette forme, c'est trop ou pas. Moi, perso, je sentais que c'était trop à le dire, en fait. C'est pas à l'aise, j'étais pas forcément à l'aise. Il y a sûrement trop de choses à dire, mais c'est vrai que... Le problème, c'est quand c'est bien parce que c'est pas trop long. Et du coup, ça marche bien, mais l'idée, ce serait de raccourcir, mais comment faire pour que ce soit encore moins long ? Bah, c'est ça l'idée, quand même. Ouais, non, mais faut... Non, après, je peux tenter d'autres choses, hein. Je suis complètement... Ok, non, mais voilà, après... Après, j'ai tenté... Non, mais... Moi, je pense que c'est important de tenter, suis tout à fait d'accord. C'est un peu un labo, hein, vraiment. Hein, donc, exactement. Donc, c'est un peu normal. En même temps, après avoir discuté pendant 3-4 heures de comment on pourrait refaire des chroniques, c'est normal de tenter quelque chose, de proposer, de voir. Mais là, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça. Non, mais et c'est important d'avoir. On en a parlé, c'est vrai que voilà. Après, moi, j'étais plus sur les termes. Que vraiment. Oui, je sais, c'est un peu ce que je me disais aussi. Ce que tu as fait, c'était limite trop bien. Bah, c'est j'aurais, pour ça. J'aurais pas dit trop bien, mais. Non, mais par rapport à ce qu'on pouvait faire, tu vois. Je suis monté trop vite et les échelons. Voilà, je pense que toi, il faudrait qu'on y aille avec parcimonie. D'accord, non, mais écoute. Écoute, Sam, je le note et je vais revoir ma copie parce que c'est important de revoir sa copie. Bah, je m'excuse. Bah, moi non plus, je n'étais pas forcément prêt. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je voulais tenter, j'ai tenté. Ah, mais c'est très bien, franchement. Voilà. Du coup, on tire au sort. Alors, Exhumeur avec un H, c'est le dernier que t'as sorti, donc c'est à moi. T'es pas avec un H, je sais pas, je me suis gaufré, écoute. Ça arrive, hein. Oui, complètement. Dead Cross. Ça sent le hardcore. Je sais pas, mais qu'est-ce que. Ça sent la Warzone, ça. Alors, bien sûr, si Nightwish, Megadeth ou un autre qu'on a. Ça dégage, hein. Ouf, la chance! L7! La chance, je dirais pas ça. Honnêtement, L7. Je t'en parlais tout à l'heure en plus. Ouais, t'avais bien vu. Burning Head! Ça va. Ah, quoi que non, parce qu'ils ont des albums dub qui sont pas terribles. La version punk de Burning Head, ça va, mais non. Malkavian. Bien sûr, hésite pas à aller vérifier sur l'appli des fois que j'ai encore mal à noter Kavian. Un groupe. Tamalou, Malkavian. Ah, tu t'étouffes, tu feras attention. Headbreed. Oh là là, je vais passer du temps Warzone, moi. Oula. Je m'attruis. Benignted. Benignted. Très bien. Attends. Ah, pardon, excusez-moi. D'accord, comme Benny Hill, mais. Mais avec Aitel à la fin. Ah, c'est ça. Celui-là va le vérifier, hein, parce qu'ici, il doit être. Oui, on va aller voir. Tout. C'est vrai qu'on est sur 4 maintenant. Au-dessus. Oh, ça sent le cocorico, ça, non? Ouais, il y a des chances. Oh encore. Oui, c'était moi l'année dernière. Bah écoute, c'est comme ça, c'est le jeu. Voilà. C'est le jeu, c'est le jeu. Bah écoute, peut-être que j'aurai un nouvel avis. Baroness. Très très bien. Et bien du coup, voilà, c'était l'épisode 19. C'est pour dire que ça me déplaît pas parce que on a réécouté incessamment récemment. Spiritual Bigards que j'étais pas fan, qui sont passés au Hellfest en plus, et je l'ai réécouté, j'ai dit en fait ça passe bien, ça passe donc bien. Tu vois, plus tu et plus tu et moins tu et moins et, tu ou fais. Alors voilà, d'accord, très bien. Et eh bien écoute bah donc c'est bien. C'était donc le 19e épisode. 19, tu te rends compte, et on a commencé pour les 1 an. C'est quand votre anniversaire en fait? Ben écoute, je ne sais pas, ça avril, 5 avril, non, c'est pas ça. Ça ne sait plus. Il faudrait regarder, mais ça sera. Ah, non. Du coup, je publie quand celui-là? Jamais. Mais non, mais je veux dire demain ou jeudi? Ah, non. Bah, n'importe. Comme tu veux. Ok. Demain. Comme tu veux, demain. Bah, j'ai pas publié les clips pour les. On s'en fout. Ouais. On va reprendre doucement. Où je publie les 7 dans la journée et le podcast en fin de journée. Allez, hop. Ah, vous calmez un peu. Dénerve-toi. Vas-y. Bah après, si je le publie demain, ça veut dire que jusqu'à la semaine d'après, ça nous fait. Beaucoup la semaine prochaine, t'es quoi, toi? Je serai en mid. Donc on fera le mercredi à 21h comme là. Oui, bah après. Ouais, bah je vois quoi. Si je le publie. Attends, on est lundi, mardi, ouais. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Ah, ouais, ça peut faire. Je reprends mercredi. Ouais, mais non, mais ça fait mercredi la semaine prochaine, c'est le jour où je travaille pas. Ouais, non, après, ça fait 8 groupes, 8 jours, c'est bon. Fais comme je sens. D'accord. Eh bien, du coup, on vous souhaite à tous une bonne soirée. Bah, écoute, tu voulais dire quelque chose d'autre ? Ah non, non, non. Bah, très non. Bien. On remercie Parcimonie pour sa présence. Bah, merci à vous. Tout à fait. Merci Parcimonie. Merci Parcimonie. Bravo. Merci à vous. Tu es vraiment la meilleure des invitées qu'on ait eues. La seule. Ah oui, c'est pour ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est ce que ça implique. Ah écoute, forcément, quand t'es la seule, t'es la meilleure. Ouais, hein. C'est logique. On n'a pas trop d'éléments de comparaison. Ah, c'est pour ça que je suis là, parce que je suis le seul. Bah, merci à vous beaucoup. Merci de m'avoir invité. C'était sympa. Bon, arrête. T'es là, non, t'es rien alors qu'on fait bah, ça. C'est normal en même temps. Dit-il en mettant la main sur ses yeux. Oh. Très bien, allez, une bonne soirée à tous. Au revoir et comme on dit toujours... Merci. Non. Bonne nuit. Non. On vous aime. Et on vous emmerde. À bientôt. À la semaine prochaine, potentiellement. Oui, potentiellement. Pff, on n'a pas de concert, donc ça devrait être pas mal. Potentiellement. Allez, au revoir. Bonne nuit, bisous. Salut. Pff, quelle émission de merde. Ah, c'est clair. C'est un connard, ça. Putain, tu crois que les mecs, ils sont... Tout ça pour des cons. Ils font même pas de retour. Ah, c'est clair. Moi, ça m'horripile. C'est bien simple. Pourquoi je bois autant, à ton avis? C'est vrai que t'as beaucoup bu. Hein. Parce que t'as un problème avec l'alcool, c'est tout. T'as pas d'autre raison que ça, moi. Exactement. Et, te cache pas derrière une excuse, genre, ouais, on n'a pas de public, on a le public qu'on mérite, alors je bois. Je cache pas derrière une excuse bidon. C'est juste que je suis un alcoolique. Je pense que tu devrais participer au podcast devant ou derrière un paravent, plutôt. Derrière un paravent. Ouais. Carrément. Oh. Avec genre, avec... Un paravent devant toi. Ah oui. C'est le concept. Oui, bien sûr. C'est pour éviter. Mais rien, c'est ça. C'est ça que tu veux dire. Parce que j'aime pas trop voir ta sale gueule. Tu mets une cagoule. Tu crois que moi, j'aime t'écouter. Quand tu parles. Non, j'aime déjà pas m'écouter. Merde, oh. Alors, attention, monsieur. J'en fais des caisses. Est-ce que... Oh. Ouais, je suis auteur, d'accord. Ça vous pose un problème, voyez ça avec mon agent. Voyez ça avec mon agent, monsieur. Oui, allez, c'est de la merde. Genre, je suis un artiste.